Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin en pleine forme. Julie Kélo, taquet. Toujours. Bah, comme d'habitude, évidemment. Moi, j'ai très très mal démarré la journée. Ah en oui fait, il faut que je vous explique. C'est-à-dire que chez moi, j'ai le réveil, le radio réveil, comme tout le monde. Ouais. Sauf que bon, dans le but de faire des économies, à l'époque, j'avais acheté mon radio réveil aux États-Unis quand j'y étais, donc c'était moins cher. Sauf que là-bas, les fréquences radio, ça va par deux. C'est-à-dire, c'est 100, 100.2, 100.4. Donc, arrivé en Belgique, si tu te retrouves sur une fréquence comme celle de Fun Radio à Bruxelles, qui est sur 104.7, ben, j'arrive pas à la capter. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc, moralité, j'ai dû me mettre sur une radio de papy. J'ai dû me mettre sur Classique 21. Qui ne t'a pas réveillé? Qui, bah si, si, ça m'a réveillé, mais alors dans quel état? C'est-à-dire, je me suis réveillé avec ça. Ah, dis donc, je peux te dire que le réveil, j'ai eu dur. Hein. Oh là là là là là là. D'ailleurs, ça m'a dû, du coup, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit que j'allais me venger, j'allais vous réveiller avec ça. Donc, à chaque fois que je vais parler, maintenant jusqu'à 7h, je vais être avec ça. Et d'ailleurs, justement, tiens, à la place de faire une énigme ce matin, je vais vous demander ce que c'est. Tiens, si vous avez une idée, quel est le nom du groupe? C'est Marché comme les Égyptiens, donc ça c'est le titre. Bah, Julie est au taquet, hein, par contre. Hein. Ah, elle a vraiment mal pour se réveiller en fait. Écoutez. Je me suis réveillé à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis, mon Dieu? Puis après, tu sais, il y avait le vent et tout, je me dis, ça y est, je suis en enfer, quoi. Tu vois, je suis décédé, ils m'ont pas laissé mon ticket au paradis, c'est horrible. Ça y est, bon, je suis dans la quatrième dimension. Exactement, non mais j'ai eu très peur, attends, tu te rends pas compte. En plus, avec le vent, la pluie et tout ça. Donc voilà, quel est le chanteur, enfin, quel est le groupe qui chante Walk Like an Egyptian? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, un beau woofy, bah, les mêmes cadeaux qu'avec la devinette qui colle, hein, soit un écran plat, soit un home cinéma LG, soit un lecteur MP3, soit une caméra vidéo numérique. La bonne réponse, 63-22, bah je ne peux vous souhaiter que bonne chance. Bon, on écoutera aussi d'autres choses hein, ce matin. Ah, c'est dommage, moi je trouve qu'on aurait dû faire l'émission avec une chanson unique. C'est vrai, on aurait pu y penser, mais non, pour poser Bananarama. Ah non, pas, c'est pas Bananarama, non. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22. Il y a vraiment, hein, des gens de notre génération qui connaissent ça? Oui, je pense. Bah attends, il y a des plus vieux que notre génération qui écoutent Fun le matin. Si, si, t'inquiète. Hein. Ouais, mais s'ils écoutent Fun, je crois qu'il y a une raison en fait. Ouais, bah peut-être. Écoute, on verra bien. Voilà, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a en pro? Il y a David Guetta qui arrivera tout à l'heure aussi. Il y aura Licky Lee avec I Follow Rivers. Et puis on accueillera également dans quelques instants un nouveau stagiaire qui sera là jusqu'au moins la fin du mois. Non, je l'ai puni, il est dans le bureau. Ah, il est dans le bureau en haut. Oh, bon, bah voilà. C'est Seb, le nouveau stagiaire qui sera avec nous ce matin. Voilà. Bon, bah bonne journée à tout le monde. On proposait encore les Bananarama. Non, il y a également quelques 2-3 bonnes réponses qui sont arrivées. Donc, c'est pas les Beatles, hein, par contre. Alors, c'est vrai que ça ressemble en termes de nom, mais ce n'est pas les Beatles. Voilà, bon, heureusement quand même, ça s'entendrait quand même si c'était les Beatles. Hein. Bon, allez, bonne chance. 63-22, allez-y. Ce matin, bon, on va faire chier du monde à base d'extraterrestres. Ouais, je suis tombé sur un truc, mais surréaliste. En fait, il y a 34% des Américains. 34-35, ouais, hein, il y a une virgule, mais. Donc, ils sont persuadés que les extraterrestres existent. Ouais. Pire! Il y a 25% des Américains qui sont persuadés qu'ils sont déjà entrés en contact avec une entité. Ah oui, ouais, ah oui, ah oui, d'accord, oui, quand même. Ils sont bien dedans. Hein. Ah oui, donc, ils sont à fond dedans, donc, effectivement. Ils sont bien loin, donc je me suis dit ce matin, on va quand même. On va les appeler. Si, bah oui, si mais en Belgique, t'as parce que en fait, la Belgique, je sais pas si vous savez, c'est un des endroits dans le monde où on a fait le plus d'observations d'extraterrestres. Ah ouais. Enfin, d'OVNI. Oui, c'est ça, d'OVNI, ouais. Pas très bien. Bon, eh ben écoute, on verra ça tout à l'heure. On va appeler les gens. On aura aussi la ligne anti-relou. On va vous rembourser vos factures aussi d'ici une grosse demi-heure. Au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. N'hésitez pas. Il y a Mirko qui dit, je en connais un qui nous réveille bien avec du colonel Rayel, c'est pire. Oui, ça, c'est vrai, effectivement. Oh, tout de suite, les grands mots, là. Mais ça y est, tout de suite exagéré. C'est dingue, ça. Je sais ça. Pas ce qui se passe avec ce pauvre colonel Rayel. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, tout le monde l'a adulé et maintenant tout le monde crache dessus. Bah ouais, c'est bizarre, hein, je comprends non, pas. Vraiment... Non, non, depuis le début, il y a vraiment les gens qui adore et les gens qui détestent. C'est vrai. Oui, enfin oui. Je pense qu'on va passer une très bonne matinée. Mais pas du tout, qui ont proposé Blondie. Ah bah non. Mais ça commence bien par un B aussi, cela dit au passage. Hein. Imagine, voilà, dans 20 ans, il y aura un mec à ta place, il passera du colonel Rayel. Je me suis fait réveiller par ça. Bon, voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, Walk Like an Egyptian. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez votre réponse au 63-22. Je vous appelle dans pas longtemps pour vous offrir votre écran plat, votre home cinéma LG, votre... j'allais dire téléphone, pas du tout. Votre lecteur MP3 ou votre caméra vidéo numérique. Bonne chance tout le monde. Et puis côté musique, ce qui arrive tout proche de nous, ça, c'est Calvin Harris. Calvin Harris avec Feel So Close sur Fun Radio. Et à 6h29, eh bien, on va passer maintenant à l'info. Pourquoi c'est la musique de la météo? Mais je non, c'est d'abord, la musique de l'info. Bêtises. Voilà la musique de l'info maintenant. C'est avec Julie. Bonjour à tous. La justice a tranché dans le procès de l'assassinat de la jeune Sadia d'origine pakistanaise. Des peines allant de 5 à 25 ans de réclusion ont été prononcées à l'encontre des quatre membres de la famille Sheikh, reconnus coupables de l'assassinat de Sadia en 2007 avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. Moudoussar, le frère de Sadia qui a tiré les coups de feu, a été condamné à 15 ans de réclusion. Sa sœur Saria écope de 5 ans. Les parents ont les peines les plus lourdes. Le père a 25 ans et la mère a 20 ans de réclusion. Les avocats du père et de la mère de Sadia ont annoncé qu'ils iraient déjà en cassation. Bruxelles Environnement recommande d'éviter les parcs, bois et forêts de la capitale en cause. Les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h aujourd'hui. Certains parcs sont fermés au public déjà depuis hier soir. Ils seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. À Namur, les parcs sont aussi fermés. Opération Vigilance sur trois zones de police de Charleroi, mise en action depuis 2004. L'opération Vigilance de la zone de la police Châtelet-Esso-Farciennes sera renouvelée cette année à l'occasion de la période des fêtes. La première expérience du genre menée pour sécuriser les commerces avait porté ses fruits, poussant d'autres zones de police à mener la même politique. Au moins une équipe par zone sera dévolue à la sécurisation des commerces, particulièrement aux heures d'ouverture et de fermeture. Cette opération se poursuivra jusqu'au 8 janvier, mais dès à présent, les policiers de quartier ont entamé une opération de prévention, attirant les habitants sur les précautions à prendre. Joseph Kabila, le président réélu de la République démocratique du Congo, a reconnu des erreurs lors de l'élection présidentielle du 28 novembre, mais il a estimé qu'elle n'invalidait pas les résultats du scrutin. Hier encore, une cinquantaine de personnes ont manifesté au quartier Matongé pour protester contre le résultat du scrutin. Le Canada se retire du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le ministre canadien de l'Environnement Peter Kent qui l'a annoncé. Il a justifié cette décision par l'affirmation que Kyoto ne fonctionne pas et par le fait que le Canada courait le risque de devoir verser des pénalités de plusieurs milliards de dollars s'il en restait signataire du protocole. Le Canada devient donc le premier pays à s'être officiellement retiré de cet accord signé en 1997 et entré en vigueur en 2005. Il est 6h32 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. C'est l'heure de passer à la météo. Très belle météo pour aujourd'hui, je pense. Ben oui, une perturbation très active nous apportera de grosses pluies ce matin. L'après-midi, les averses prendront peu à peu le relais à partir de l'ouest, donc c'est pluie toute la journée, hein, en conclusion. Ouais. Le vent soufflera en force avec des rafales qui pourront atteindre 90 km/h. La température de 6 à 10 degrés demain, toujours de la pluie et même de la neige sur l'Ardenne. Ah, carrément! Carrément. Ah, ça y est, alors ça y est, on y est quoi. Ça y est, on y est. Ça, on peut plus faire marche arrière maintenant, c'est terminé. Tu me diras, on n'avait jamais pu faire marche arrière. Non, mais bon. On avait déjà eu un peu de neige, c'est de la petite neige. Hein. Ouais, c'est ça neigeote quoi. Ça neigeote. 6h33, c'est l'info en plus. Quelle est l'info en plus justement? Alors, est-ce que il faut que tu sois un peu classe pour le réveillon et j'ai quelque chose pour toi, Mickaël. Non, vas-y, dis-moi. Des lentilles. En même temps, je suis classe tout le temps. Ah oui, c'est bien ça, les lentilles couleur. Comme dans Twilight. Oui, un petit peu. Exactement. Tu pourras avoir des yeux bleus, transparents. J'ai déjà les yeux bleus. Non, tu n'as pas les yeux. C'est avec un reflet. Quand il y a le soleil dessus, c'est un peu vert. Oui, bien sûr. Mais quand il y a un reflet. Non, mais c'est vrai, quand il y a le reflet, tout ça, enfin bon. On appelle ça brun caca, je pense. Non, mais je ne vois pas le rapport. Enfin, en tout cas, j'ai des lentilles de couleur pour toi, mais elles ont une petite particularité. C'est que pour être encore plus bling-bling, c'est des lentilles en or 18 carats. D'accord. C'est ce que propose une entreprise indienne, Eye Jewelry. Et au choix, tu as des lentilles en or jaune, en or blanc, assorties ou non de diamants. Et alors, évidemment, pour créer ces lentilles, ils se servent d'une technique un petit peu spécial qui est normalement utilisé à des fins thérapeutiques. Ouais. Alors, quand même, la mauvaise nouvelle, premièrement, c'est que ça coûte quand même entre 7 200 et 10 000 euros. Ah oui. Hein, il faut quand même avoir le portefeuille pour pouvoir se payer ce genre de lentilles. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que les bénéfices servent à financer le traitement de patients atteints d'une maladie, le syndrome de Steven Johnson, une maladie rare qui peut rendre aveugle. Donc, ah oui, c'est sympa, ça. Ouais, donc c'est pas mal. Ça part d'un bon sentiment en tout cas. Tu peux acheter des lentilles bling bling. Bah, les rappeurs là qui adorent se faire des dents bling bling, mais ils pourront se faire des lentilles bling bling. Bah ouais, mais tu vas voir, ça va marcher. Hein, mais pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Alors si c'est pour la bonne cause, allons-y. Enfin, en tout cas, ceux qui ont 10 000 euros à mettre dans des lentilles. Ah ouais, quand même, ouais. Bah tu sais quoi, je vais pas être classe pour Nouvel An. Ah bah ok, d'accord. À 10 000 euros les lentilles, non, je confirme, je serais pas trop classe à mon avis. Ah oui, 7 200 à 10 000 euros, il faut y aller. Ouais, ah ouais, bon, y a que toi qui est blindé pour pouvoir te permettre ça. Ah bah attends, mais j'en ai déjà acheté 5 paires. Ah bah c'est pour être voiture au cas où. Évidemment. Au cas où t'en casses une. Mais t'as bien raison, t'as bien raison. Je les distribue aux gens. Mais faut vivre avec ses moyens. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais bien sûr. 6h34 sur Fun Radio. Ed, il y a toujours cette chanson-là à découvrir. Hein. Ah non, arrête avec ça. Na na na na na na na, an Egyptian. Bon, si vous avez la bonne réponse, qui chante ça hein. Je me suis fait réveiller par ça ce matin. Hein. Pour ça, je me suis dit, je vais me venger, tiens. Et message qui dit, vous faites pas la devinette qui colle précédente. La devinette qui colle précédente. Ah oui, mais c'était dans le best-of, dans le warm-up, ça. Donc on l'a fait hier, en fait, la devinette. C'était Zodiac, mais du coup, oui, c'était dans le warm-up. Mais on a déjà donné la réponse hier, en fait. Voilà, sorry. Voilà, si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas. Ça commence par de, T-H-E, et puis après espace, et puis après il y a un B. Voilà, comme Blondie, mais c'est pas Blondie. Comme Beatles, cela dit, mais c'est pas Beatles. Ça termine bien par les mêmes lettres, mais c'est tout. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Il y a des écrans plats gagnés, des home cinéma LG, il y a des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Bonne chance. Puis côté musique, eh ben, c'est Calvin Harris maintenant. Liquid arrive dans un instant sur Fun Radio et à 6h37 on va parler de Ashton Kutcher. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Oui, enfin, surtout de Sarah Leal. En fait, c'est elle qui a Leal. Un petit peu brisé définitivement le couple Ashton Kutcher Demi Moore. Ah, c'est la maîtresse. A, ouais, c'est elle qui a balancé okay. qu'il avait eu une aventure, avec lui, donc extra-conjugal. Oui. Et donc elle avait balancé ça à la presse, etc. Et maintenant la jeune femme de 22 ans, eh ben, elle a perdu son emploi et sa famille refuse de lui parler. Donc Parce que les parents étaient fans de Demi Moore ou de Ashton Kutcher, ils ont brisé le couple. Non, c'est juste que maintenant ils la prennent pour une petite fille de joie. Ah oui, parce oui. Elle s'est amusée comme ça une petite nuit, puisqu'elle a fait la fête, et puis tac, elle s'est fait acheter une Kutcher. Ils sont un peu coincés, les parents, quand même, là. Donc, le père refuse de lui parler, il reçoit beaucoup d'appels téléphoniques menaçants, même ses amis la rejettent, elle a perdu son emploi, son meilleur ami ne veut plus lui parler, ni même sa colocataire, elle a quitté son appartement, enfin bon, elle s'est embarquée dans un truc, mais juste terrible. Donc voilà, elle a cru qu'elle allait pouvoir se faire plein d'argent, elle s'en est fait quand même, je pense, pas mal en balançant tout à la presse. Ouais, mais elle a plus de famille maintenant. Elle a couché avec Ashton Kutcher, donc elle. Ce qui est déjà plaisir, pas mal, hein. Ouais, quand même pas mal qui rêverait de ça. Bah c'est ce qu'elle explique d'ailleurs. Elle dit que à tous ceux qui pensent que c'est une petite fille de joie parce qu'elle s'est jetée directement dans son lit, elle dit je suis sûre que toutes les filles auraient fait la même chose. Évidemment. Que moi. Je pense qu'effectivement. Et Julie en premier, elle a dit ah, si je pouvais me taper Ashton Kutcher, moi direct je fonce. Hein. Non, pas tout à fait. Ah bon, ça, je comprends pas qui m'a dit ça. Elle répète quand même qu'elle n'imaginait pas deux secondes qu'il était marié. Bon, il faut quand même y aller pour pas savoir que ouais, Ashton Kutcher est marié. C'est la mauvaise foi ça. Hein, c'est un peu de la mauvaise foi. Mais bon, voilà, comme quoi elle a voulu se faire de l'argent en balançant à la presse. Voilà, sa petite aventure, sa petite sauterie. Et maintenant, elle se retrouve sans rien, ni amis, ni famille, et ni ben voilà. emploi. Donc, comme quoi, c'est bien pas fait. Toujours bon de balancer tout à la presse. Exactement. Bon, dans un instant, sur Fun Radio, il y aura le son de Liquid, comme promis, avec I Follow Rivers. Que vous avez découvert sur Fun Radio, on parlera de l'infotrafic avec, à mon avis, pas mal de choses qui vont se passer aujourd'hui vu le temps dégueulasse qu'il y a dehors. Ouais, et si vous êtes témoin d'un problème, bah ouais, 30-44, dites-le nous. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h44. On a toujours notre petit son à découvrir. Là, il y en a pas mal qui ont découvert, mais on va quand même le remettre dans un petit instant. Et puis là, faisons un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Accident sur la N4, eh oui. Bruxelles en direction de Namur, Arlon, Luxembourg à hauteur de Martelange. Une équipe est en route. C'est une voiture qui est sur le toit. Et puis objet encombrant sur le 313 Anvers en direction de Liège à hauteur de Lumen. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 65.2. Chaussée inondée sur le 411 Bruxelles, Namur, Luxembourg à hauteur de Haut d'Orgem. Attention, le passage est difficile, c'est au kilomètre 2.8. Soyez prudents, il pleut, il y a beaucoup de vent, donc les arbres tombent sur la chaussée et ça glisse. Voilà, et faites attention, surtout si vous êtes sur l'E42, parce qu'apparemment l'Aube a mis beaucoup de temps à arriver. E40, pardon, a mis beaucoup de temps à arriver, puisque beaucoup de vent. Voilà, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et puis. Et oui, non, bah ça c'est clair, c'est désagréable. En même temps, c'est le début de l'hiver, hein, donc tu vas encore galérer par après. Hein. Demain, je démarre à 3h du matin, je prends les petites routes. Oui, il l'a dit. C'est vrai, je suis curieux, tiens. On va l'appeler à 3h. Ouais, il est 7h15 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, dans un instant, on va vérifier si les gens croient aux extraterrestres ou pas. On va les appeler et on écoute maintenant le son de Liquid, comme promis. C'est I Follow Rivers sur Fun Radio. Bonne matinée. Liquidy sur Fun Radio, I Follow Rivers. Et un message qui dit le titre que t'as entendu ce matin sur Classic 21, qui n'est pas une radio de vieux, c'est les B-52s. Ah ben non, alors non, mais quand je dis une radio de vieux, c'est par rapport à Fun, évidemment, par rapport à Fun, c'est une radio qui n'est pas forcément faite pour les mêmes auditeurs. Hein, voilà. Même moi, ça m'arrive d'écouter 21 parfois, tu vois. Donc, pourtant, je ne suis pas vieux. Enfin, pas trop. Enfin, si. Non, attends, tu plaisantes ou quoi? Je suis pas vieux, faut quand même pas déconner, j'ai 30 piges. Bon, ça va, oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre alors? Ah là, Julie, effectivement, c'est mémère. Hein. Oh là ans, là là là là là. Oh mémère. Bon, écoutez bien, c'est ça qui est le titre à découvrir. Un Egyptian. Comme ceux qui connaissent pas les paroles et qui tapent en plein milieu, c'est comme un karaoké. Un Egyptian. Un Egyptian. La fois, tu rappelles comme ça, il faisait toutes les fins de phrase, tu vois. Quelle horreur. C'est un Egyptian. Voilà, bon, si vous avez la bonne réponse, qui chante ça, hein, c'est vrai que c'est pas très fun, mais ça m'a réveillé ce matin, donc je me suis dit, tiens, on va le mettre pour voir si vous allez découvrir ce que c'est. Un Egyptian. Un Egyptian. Voilà, j'ai quand même réussi finalement. Hein. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22 avec la réponse, c'est à nos rôles le message et on vous appelle dans quelques instants pour que vous puissiez donner la réponse en direct à l'antenne. Vous repartirez donc de ce fait avec un écran plat, avec également la possibilité de repartir avec un home cinéma LG. Il y a également des caméras vidéo numériques ou encore des lecteurs MP3. Vous choisirez. Bonne chance tout le monde. Et puis on va enchaîner directement maintenant avec la ligne anti-relou sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio. 7h-, 8h-, et 9h-. Si vous avez envie de vous débarrasser d'un relou, retenez bien ce numéro, donc le 0473 86 00 13, car il peut vous sauver la vie, comme par exemple ces personnes-là qui ont été sauvées parce que les relous ont fini sur notre numéro à la place du leur. Salut Johanna, ben, c'est Christopher. Ben, juste un petit message pour dire que je voulais savoir comment que ça va. Et voilà. Plus. Comment que ça va? Eh ben, que ça va bien. On dirait qu'il a faim, en fait. Ouais, c'est ça. Il mange ses mots. Que ça va plutôt bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Deuxième message ce matin. Marion, c'est Stéphane. Je laisse enfin un message comme ça, me l'a demandé. Écoute, j'ai très envie de t'entendre, donc si tu peux me rappeler. Ouais, déjà t'entends la voix de pervers, ouais, tu vois. Mais, mais si tu peux me rappeler, mais oui, ça peut être intéressant. Bon, allez, troisième message. Allô, Stéphanie ? Oui, c'est François. Tu m'as toujours pas rappelé, hein ? Bah oui. Je sais pas, moi. Écoute, c'est parce qu'on avait convenu. Je t'ai attendu plus d'une heure à la gare. Mais écoute, je n'aime pas trop ce genre de manière. Allez, j'espère que tu vas me rappeler, hein. Mmh. C'est le mec qui l'engueule alors qu'ils sont pas encore vus, tu vois. Mais j'aime pas trop ce genre de manière, hein. Non, j'espère que tu vas me rappeler, hein, disons, sans déconner. Bon, voilà, le relou est un peu autoritaire, hein. Ah, si oui, vous avez remarqué ça, oui. Ah, t'as l'impression, ouais, que c'est Dieu le Père, tu sais que c'est le grand patron, là, il arrive, qui passe avant tout le monde, tout ça. Enfin bon. Retour de la ligne anti-relou, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio. Et dans un instant, on va appeler les gens aussi pour vérifier s'ils croient ou pas aux extraterrestres. En attendant, on écoute David Guetta et Without You sur Fun. Alors, non, le titre, par contre, ce n'est pas Blondie. Non, Blondie, c'est une chanteuse, et puis je vous ai dit que ça ressemblait, c'était un B aussi, la chanson qu'on cherchait. Mais ce n'est pas Blondie, bien évidemment, et ce n'est pas le titre non plus. Trouver le titre qu'on arrête de la passer en boucle. Bah, Walk Like an Egyptian. Non, mais il y a quelqu'un qui a trouvé, cela dit. Hein. On fera un petit tirage au sort dans quelques instants. Il a l'air de beaucoup aimer. Ouais, grave, il adore. Ce n'est pas les Bananarama non plus. Hein. J'adore ce morceau. Ouais. Tu danses. Autant que Colonel Rayel. Exactement. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. Il y a des écrans plats à gagner, des home cinéma LG, ou encore des caméras numériques, ou encore même des lecteurs MP3. Non, je vous passe ce morceau parce que je me suis fait réveiller par ça ce matin. Et je me suis dit que j'allais me venger. J'allais aussi vous réveiller avec ça ce matin. Voilà. En toute simplicité, évidemment. Okay. Allez, la bonne réponse, 63-22. Non, pas du tout. 63-22, c'est un euro. Bonne chance. Bon, allez, on va vérifier maintenant si effectivement les gens croient aux extraterrestres. Bah, c'est ça, parce que ça m'a grave choqué. Fin. Bah, répète peut-être pour ceux qui n'étaient pas là à 6h30. Donc, les Américains, donc il y a 30%, enfin 35, entre 34 et 35% des Américains, ouais, qui sont persuadés que les extraterrestres existent. D'ailleurs, ils ont fait une, je sais pas si vous vous souvenez, ils ont fait une pétition pour ça. C'est-à-dire que Obama, il avait dit, ouais, si vous êtes plus de 250 000 à signer une pétition en me posant une question, ah oui, eh ben, je m'y oblige à trouver une réponse, enfin, à vous donner une réponse. Voilà. Et donc justement les Américains avaient lancé une question là-dessus. Bon, ils sont pas arrivés aux 250 000 signatures, donc Obama n'a pas dû répondre. D'accord. Et sinon dans les... Dans l'absolu, par rapport à tout le peuple américain, au final tout le monde s'en fout, hein, visiblement. À peu près. Et en plus là, il y a quand même 20% des Américains qui pensent être déjà rentrés en contact avec une entité. Mais oui, mais attends, mais t'as déjà été plusieurs fois aux États-Unis, donc il y a dû y avoir de ça. Hein. Ouais, mais enfin parfois quand tu vas dans certaines régions des États-Unis, tu peux quand même te poser des questions. Ah bah j'étais dans l'Oregon, je peux te dire que c'est dur. Hein. Ouais, y a pas que l'Oregon. Non, non, mais bon là c'est vraiment particulier aussi, cela dit. Hein. Bon, du coup on va appeler à Ouaha. Je ne sais même pas où ça se trouve. Je pense que c'est près de Marchand-Famène. Ah bon? Ouais, dans le coin de Virton. Si vous êtes quelque part à Ouaha, W-A-H-A, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que ça se trouve exactement là. J'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, si c'est possible. Merci beaucoup d'avance. Bon, allez, on y va, on appelle à Ouaha maintenant et puis vérification. Ouais, donc si. Si, non, si donc on croit aux extraterrestres à Ouaha ou pas. Allez, c'est parti. Allez, vaut mieux. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous pensez que les extraterrestres, ça existe. Vous foutez de moi à 6h du matin? Non, pas du tout, madame. C'était une question très sérieuse. Ouais, une question très sérieuse à 6h du matin pour me demander si Haïti qui va débarquer. Oui. Je crois en Dieu, monsieur, pas aux extraterrestres. Ah oui, donc vous ne pensez pas qu'on pourrait être envahi par des petits hommes verts? Non, surtout pas à 6h du matin. Ah, vous pensez qu'ils viendront plutôt en après-midi, alors? Oui, voilà, comme vous. Ah, vous voulez que je vous rappelle en après-midi? Si vous me retournez après-midi, je crois que je ne vais pas être contente non plus. Ah, bah quand est-ce qu'on peut se rappeler, alors? Vous vous foutez de moi, là? Bah, non, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle d'extraterrestres, et là, je vous sens un petit peu tendu. Écoutez, il est 6h du matin. Oui, vous hein? Ça vous l'avez... Les extraterrestres, j'y crois pas, j'ai répondu à votre question, parce que moi je crois en Dieu, je suis folle de religion. Oui. Hein? Les extraterrestres, moi je crois pas. D'accord. Mais est-ce que c'est Dieu... des manipulations, soit avec des machins, les Américains qui ont inventé des nouvelles armes, je ne sais quoi, mais les extraterrestres, tu peux pas répondre. Pas, monsieur, non. D'accord. Mais par contre, Dieu, il existe. J'y crois certainement, oui. Ah oui. Plus à la connerie aussi, à la connerie des hommes aussi. Eh ben, quoi? Très bien, merci beaucoup madame. Allez, oui, c'est ça. Amen. D'accord, à demain. Ah. Donc, faudra rappeler demain, j'espère que tu as bien noté. J'ai bien gardé son numéro, voilà, pour la rappeler très bien demain. Bon, on la rappellera demain, il n'y a pas de problème. Allez, 6h56 sur Fun Radio, on rappellera d'autres personnes également tout à l'heure. Et puis on va s'écouter Greg Paris maintenant, Get Sexy. Nouveau son à l'instant sur Fun Radio, tiens, Greg Paris à l'instant, Get Sexy, ce qui arrive tout à l'heure. Cobra Starship, et avant 8h, on vous passera également le son de LMFAO. Il y aura True Earth aussi avec Addictive, ça c'est un petit souvenir à faire plaisir, ça aussi. Le son de Sean Paul, on passera Kerylson avec Nelly, tout ça. Ça arrive sur Fun Radio avant 8h du mat. Et ce qui arrive dans quelques instants également, c'est bien sûr les factures. On va vous appeler pour vous rembourser. Cash vos factures sur Fun Radio. Si vous voulez avoir une chance d'être tiré au sort pour qu'on vous appelle dans moins de 10 minutes pour vous rembourser vos factures, un seul numéro, 6322. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On peut faire un spécial cadeau de Noël si vous voulez, parce qu'il y en a plein qui arrivent avec des factures de Noël. 40€ pour le repas de Noël, 50€ pour des cadeaux de Noël. Qu'est-ce qu'il y a également? 127€ pour AXA. Oui, c'est pas Noël ça, mais bon, 64€ pour Proximus, etc, etc. 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Et ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio également, le son des Cobra Starship, je vous l'avais promis. Mickaël, à la radio, Fun Radio. Il est 7h01 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde, c'est mardi le 13 décembre, Julie est déjà malade, mais oui, ça ne l'empêchera pas de faire les infos car oui, elle est forte. Oui, c'est une guerrière. Bonjour à tous. La justice a tranché dans le procès de l'assassinat de la jeune Sadia d'origine pakistanaise. Des peines allant de 5 à 25 ans de réclusion ont été prononcées à l'encontre des 4 membres de la famille Sheikh reconnus coupables de l'assassinat de Sadia en 2007 avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. Moudoussar, le frère de Sadia qui a tiré les coups de feu, a été condamné à 15 ans de réclusion. Sa sœur Saria écope de 5 ans. Les parents ont les peines les plus lourdes. Le père, 25 ans et la mère, 20 ans de réclusion. Le jury de la cour d'assises de Mons a donc clairement reconnu les parents de Sadia comme les instigateurs de ce crime d'honneur. Les avocats du père et de la mère de Sadia ont annoncé qu'ils iraient en cassation. Bruxelles Environnement recommande d'éviter les parcs, bois et forêts de la capitale. En cause, les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Certains parcs sont fermés au public depuis hier soir. Ils seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. À Namur, les parcs sont aussi fermés. La Belgique finira l'année 2011 avec un déficit budgétaire de 15,5 milliards d'euros, selon une estimation de la Banque nationale révélée ce matin dans le journal L'Écho. Ce déficit est loin de l'objectif fixé de 13,3 milliards d'euros convenu avec la Commission européenne. Ce dérapage budgétaire serait à imputer à plusieurs facteurs, facteurs dont la liquidation du holding communal, le ralentissement de la croissance et le fait que le fisc rembourse de plus en plus tôt les contribuables. Joseph Kabila, le président réélu de la République démocratique du Congo, a reconnu des erreurs lors de l'élection présidentielle du 28 novembre, mais il a estimé qu'elles n'invalidaient pas les résultats du scrutin. Hier encore, une cinquantaine de personnes ont manifesté au quartier Matongé pour protester contre le résultat du scrutin. Le Canada se retire du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le ministre canadien de l'Environnement, Peter Kent, qui l'a annoncé. Il a justifié cette décision par l'affirmation que Kyoto ne fonctionne pas et par le fait que le Canada courait le risque de devoir verser des pénalités de plusieurs milliards de dollars s'il en restait signataire. Au terme du protocole, le Canada s'engageait à réduire, comme d'autres pays en 2012, ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Mais ces émissions ont au contraire augmenté. Le Canada devient ainsi le premier pays à s'être officiellement retiré de cet accord signé en 1997 et entré en vigueur en 2005. C'est la météo sur Fun Radio. Maintenant, quel temps dégueulasse pour aujourd'hui. Bah oui, une grosse pluie pour ce matin, averse pour cet après-midi, un vent qui souffle quand même assez fort, jusqu'à 90 km/h, température qui vont de 6 à 10 degrés demain, toujours de la pluie et même un petit peu de neige sur l'Ardenne. Oui, et il y aura un nouveau jeu aussi tout à l'heure, si vous voulez vous inscrire, ce sera The Frit Code Game. Eh bien, vous envoyez frites, vous envoyez ça au 3044, pour vous inscrire. Vous envoyez frites maintenant si vous voulez jouer avec nous au Frit Code Game. Ce sera tout à l'heure. Voilà, un bon petit jeu pour le matin, c'est parfait. Oh oui, une bonne frite. On ça parlera c'est... de graisse, tout ça, ça va être génial. Tu mettras une maillot avec. Bah, avec plaisir. Fun Radio. Fun Radio. Évidemment, on va vous rembourser vos factures dans quelques instants sur Fun Radio si vous voulez qu'on vous appelle live and direct pour vous offrir, pour vous rembourser votre facture spéciale Noël par exemple. Eh bien, vous pouvez vous inscrire 6322, c'est 1€ le message. Vous débutez votre message, eh bien par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là 67€ pour un pyjama. Même. Oh là, c'est cher le pyjama quand même. Ça fait cher un pyjama quand même. Hein. 69. Ouais, c'est ça. 69€ pour le repas de Nouvel An, 40€ pour le repas de Noël, 101€ pour l'assurance, 32,30€ pour une amende SNCB. Ah bah oui, mais il faut payer son ticket maintenant. C'est mal ça. Sinon, ils ont changé les horaires aussi avec la SNCB depuis hier. Oh, le bordel. Mais rassurez-vous, les trains sont toujours en retard. Hein. Et en France, ils ont fait pareil, donc c'était. Ah oui, c'est ça. Mais les nouveaux horaires sont en retard, donc tout va bien. Ça n'a rien changé par rapport ils à l'habitude. Ils ont supprimé des trains, donc c'est assez compliqué pour les voyageurs. Bon, c'est moins cher. Hein, enfin, donc, que c'est pour un mieux. Donc. Mais oui, mais bien sûr, bah oui, en enlevant des trains. Parce que si je vous mets moins de trains, vous aurez plus de trains. C'est normal, vous arriverez plus vite au travail. Bon, en tout cas, si vous voulez donc vous inscrire pour les factures, on vous appelle dans moins de 3 minutes, 6322, code facture. De quoi on parle? Quelle est l'info en plus? Eh bien, c'est un joueur de poker qui attaque en justice l'État. Il demande tout de même 100 000€ de dommages et intérêts. Alors, tu crois que c'est pourquoi? Parce qu'il a perdu ou parce que. Ouais, parce qu'il a perdu. Bah, c'est un petit peu ça, mais pas tout à fait. Il n'y avait en pas fait, assez de lumière dans le casino, enfin, je sais pas, quelque chose. Il reproche à l'État de ne pas l'avoir protégé contre son addiction. Bah. En fait, en été. Non, à l'été genre, ils ont que ça à faire. Bah, presque, en fait. Parce qu'en 2010, l'homme qui a 37 ans, qui est addict au poker dans les casinos et en ligne depuis 20 ans, ouais. Il avait demandé au ministère de l'Intérieur de lui interdire l'accès aux casinos, aux tables de jeu, mais aussi au site internet de poker en ligne. Alors, le ministère s'est exécuté, il a effectivement interdit l'accès à tout ce genre de choses. Mais problème, il y a eu une petite erreur technique. Apparemment, il avait quand même toujours accès au site de poker en ligne. Ah oui, vu comme ça, alors. Et donc, oui. Le gars, évidemment, il a continué à jouer parce que bah, il lui dit lui-même qu'il a un gros problème puisqu'il a demandé au ministère de l'interdire. Et ben voilà, comme il y a eu erreur technique, il a continué à dépenser. Chaque fois, c'était plus de 50% de son salaire par mois qui passait. Quand même. Et donc, voilà, maintenant, il attaque l'État en justice et il demande 100 000€ de dommages et intérêts. Pour couvrir les pertes financières et le préjudice moral et physique. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Mais enfin, en même temps, c'est vrai que s'il avait demandé à se faire interdire, bon, oui, c'est vrai que s'il savait qu'il était addict en plus. C'est vrai. Bah ouais, vrai. Quand même. 7h07 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. À défaut de perdre de l'argent, vous en gagnerez peut-être. Vous envoyez votre message au 6322, vous le débutez par facture. Bonne chance. Et on écoute Cobra Starship maintenant. C'est You Make Me Feel sur Fun. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exact, on vous appelle, on vous paye vos factures, c'est comme ça que ça se passe. Et shame on me, je suis désolé, j'ai oublié le numéro pour le Grand-Duché du Luxembourg ce matin, pour jouer évidemment pour le petit blind test, la petite chanson que je vous fais découvrir depuis tout à l'heure, ou pour vous faire rembourser vos factures, au 621-783-605, c'est le numéro pour le Grand-Duché du Luxembourg, si vous voulez jouer avec nous et participer à l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus, ça tombe sous le sens. Bon, allez, c'est parti, on va appeler quelqu'un maintenant, live and direct sur Fun Radio, pour lui rembourser payer sa facture. Il y avait quoi là, 54,95€ pour un service stable pour mon loulou, 75€ pour le remorquage de la voiture, 60€ pour un déshydrateur pour la Noël. Quel beau cadeau. Déshydrateur ? Ouais, c'est très sympa ça comme cadeau. Tu connais les déshumidificateurs ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio. Mais oui ! Eh ben voilà, bonne réponse. Comment tu t'appelles ? Mélanie. Mélanie, très bien. Oh, Mélanie, tu as l'air d'être quelqu'un de sévère. Non, pas du tout. Tu es prof ? Pardon ? Tu es prof ? Non, du tout. Ah d'accord, non, parce que j'ai dit, quel est ton prénom ? Mélanie. Oh là là, d'accord, pardon madame, je suis désolée, excusez-moi. Bon, bon Mélanie, tu es dans quelle ville ? Fleurus, dans la région Charleroi. Fleurus, d'accord, 103.5 pour écouter Fun Radio dans le coin. Eh bien, c'est parfait, d'ailleurs, on t'attend à la soirée Fun Radio pour les 20 ans de Fun à Charleroi, on fêtera ça au Coliseum, c'est samedi soir, toute l'équipe de Fun sera là, ben, j'espère que tu seras là aussi Mélanie. Hein. Eh bien voilà. Eh ben écoute, bah voilà, on va te rembourser ta facture de combien ? C'était pour un repas de Noël, non ? Oui, pour 40€. Ah bah voilà, en plus, bah, ça n'est pas trop cher le repas de Noël encore, c'est bien. Bon, eh bah écoute, pas de soucis, on va t'envoyer ça, Mélanie. On va t'expliquer comment ça se passe en antenne, d'accord ? C'est ça. Je te fais des bisous, à bientôt Mélanie. À bientôt. Salut, et reste au standard. Et puis pour les autres, si vous voulez vous aussi qu'on vous appelle pour vous rembourser votre facture, si vous voulez comme Mélanie qu'on vous la rembourse cette facture, que ce soit de un petit cadeau de Noël ou autre chose, eh bien 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et avec l'objet de la facture. On revient dans un petit instant sur Fun Radio avec le son d'Elle MFAO. Le son d'Elle MFAO, ce sera Sexy and I Know It sur Fun Radio. 7h11, bon réveil, c'est mardi le 13 décembre. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Et c'est l'heure maintenant. Et c'est l'heure maintenant de passer à l'horoscope, comme tous les matins sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. L'horoscope avec Doudou qui est en pleine forme ce matin, Doudou. Oh là là, oui, tout va bien ce matin. Avec le vent, tout ça, là. Ah là là là là, mais ça m'a décoiffé, oh là là, je comprends pas. Bon, enfin, c'est pas pour les cheveux que vous avez sur la tête, faut pas abuser non plus. Hein. Bah oui, mais quand même. Hein. Bon, allez, l'horoscope maintenant, justement, quel temps pour les gens ce matin ? Quel temps ? Pas du tout, je partais sur les temps, moi. Quel horoscope, voilà, quelle bonne journée aujourd'hui pour les béliers, par exemple. Oh là là, vous allez vous envoler. Non, c'est pas vrai. Donc, continuez à prendre des repas régulières. C'est pour ça que vous aviez vu que j'avais maigri. Mais justement, c'est pour ça, faut continuer. Bon, les taureaux. Grâce à votre bonne organisation, vous défendrez votre point de vue avec élan et habileté. Les gémeaux. Vous avez atteint la ligne d'arrivée. Maintenant, vous pouvez rattraper le retard pris dans les autres domaines et vous accorder un peu de repos. C'est ça le mieux, c'est ça qu'il faut faire. Bon, les cancers. Les cancers, ne vous laissez pas gâcher cette journée par des petits problèmes bêtes. Les lions. Malgré toutes les passions, laissez aussi votre raison s'exprimer. Agissez raisonnablement aujourd'hui. Les vierges. Votre partenaire ne voit que vous. Alors vous le charmez, vous avez de la chance. Les balances. Les balances, vous allez passer une bonne semaine car vous êtes plein d'énergie. Rien ne peut vous faire sortir de vos gonds. Les scorpions. Les investissements à long terme promettent une bonne réussite. Très bien, les sagittaires. Pensez-y, votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments, mais vous ne lui laissez aucune chance, ce n'est pas bien ça. Mais oui, c'est mal. Les capricornes. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les Verseaux. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre partenaire va être récompensé. Bon, et puis pour terminer, les poissons. De bonnes idées vont avoir des conséquences positives dans votre vie professionnelle, mais oui. Eh ben très bien, parfait. Retour de Doudou tout à l'heure, évidemment, dans moins d'une heure, avec notre horoscope. Et puis on va s'écouter le son maintenant de True Hearts avec Addictive. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours cette chanson à découvrir. Hein. Voilà, c'est avec ça que je me suis fait réveiller ce matin, donc. Mais laisse-nous tranquille. Nanana, oh, Egyptian. Bon voilà, si vous avez deviné quelle était la chanson, on donne la réponse dans 3 minutes. Vous envoyez votre réponse au 6322. À quoi ? Un pain rond, non ? Un pain rond. Oui, c'est vrai. Effectivement, avec un trou au milieu. Ouais. C'est vrai. Si vous avez la bonne réponse, donc 6322, c'est 1€ le message. On vous offre vos écrans plats. Il y a également des home cinéma LG ou encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Des caméras vidéo numériques ou encore des lecteurs MP3. Allez-y, bonne chance. 6322, c'est 1€ le message. Ou pour nos amis Lulu, c'est au 621-783-605. Puis on va s'écouter, comme promis maintenant, le son de True Hearts. C'est Addictive sur Fun Radio. Il est 7h19. Ça fait du bien, tiens, par où ça passe. Le petit son de True Earth à l'instant, c'était Addictive. Il y aura pas mal de sons aussi qui passeront tout à l'heure avant la fin de l'heure, avant 8h. Je vous ai promis le son de Sean Paul, ça va pas tarder. Il y aura Kerryl Son également. Et puis, si vous avez envie de proposer des sons, évidemment, vous êtes les bienvenus. Vous envoyez vos propositions au 3044 ou alors directement sur le Facebook ou le Twitter, MIKL officiel. Voilà, dans un instant, nous allons donner la réponse à notre chanson que nous cherchons depuis tout à l'heure. Là, il y a quelqu'un qui propose Donuts grâce à l'indice de Julie. Bravo. Mais moi, si elle. Il n'y a pas de souci. Ouais, ce n'est pas du tout Donuts. Elle avait dit un pain rond et moi j'avais dit avec un trou au milieu. Mais pour moi, le Donuts n'est pas un pain. Mais bon, c'est vrai, c'est un beignet. C'est plus un beignet, effectivement. Bon, avant de prendre la réponse, justement, alors dimanche sur RTL, on a failli rater une émission du troisième type. Alors c'est une spéciale grand angle sur les femmes nées dans un corps d'homme. Et pour bien comprendre, voici l'explication de Brigitte. Il y a un architecte là-haut qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis, s'est gouré de rouleaux pour les plans et on lui avait demandé un mât provençal et il a livré un chalet suisse. Voilà, donc ça c'était la manière de lui dire. Petite métaphore. Voilà, la manière de se dire qu'en fait il est arrivé dans le mauvais corps. Hein, donc voilà. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre un trans et un travesti? Vous voyez la différence ou pas vous? Non. Oui. Ouais. Oui, je pense. Bah le trans il est opéré, le travesti il se déguise. Voilà, je pense. Eh bien, j'ai la réponse aujourd'hui. Que le but d'une transsexuelle n'est pas comme un travesti, nous autres, le but n'est pas de choquer, le but est de passer inaperçu. Voilà, c'est de passer inaperçu en fait, tout simplement. C'est ça la différence. On lui a posé la question et nous, il a répondu. Hein. Comme ça, c'est clair au moins, tu vois. Et quand Evelyne, par exemple, va pour se faire opérer, elle a une façon très personnelle hein, de résumer son opération. Oui, mais moi, il n'y a rien à me tracasser. Moi, demain, on me prend, on me pique et je dors. Donc, voilà, au moins, tu vois, il y va sans hein, pépère. Hein. Sans fou, ouais. Voilà, c'est bon. Moi, on y va, on me pique et je dors. Hein. Donc après, moi, ça me fait une bonne nuit. Hein, donc on est tranquille comme ça. Hein. Et est-ce que vous savez comment on dit en langage trans qu'on a une relation avec quelqu'un? On est amoureux. Oui, c'est une idée, effectivement. Mais là aussi, j'ai la solution. Il n'y a aucun caractère sexuel. Il n'y a que du caractère amical. C'est une amitié très profonde. Oui, très profonde, effectivement. Voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce matin. On en a appris pas mal hein, ce matin, justement, sur la transsexualité, justement. Hein. Grâce à eux, grâce à RTL TVI, merci à ce spécial grand angle de nous avoir éclairé, suréclairé. J'en ai presque mal aux yeux, donc c'est pour vous dire. Ce matin, merci en tout cas. Dans un instant, la réponse donc à la chanson qu'on cherche. La chanson qu'on cherche, c'est celle-là. C'est la dernière fois que je vous la mets, alors profitez-en. An Egyptian. C'est marrant, à chaque fois, je suis pas dedans, c'est bizarre. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc 6322, puis on appelle quelqu'un dans 3 minutes sur Fun Radio. Et donc la réponse n'est donc pas Donuts. Merci Julie pour ce magnifique indice qui a mis tout le monde dans le mur. Bien que l'indice était bon, hein. Bien, l'indice était pas mauvais, hein, cela dit au passage. Nous revenons dans un instant. Il y en a qui ont trouvé grâce à moi, donc on va dire que. C'est vrai. Bon, nous allons écouter dans un instant Sean Paul avec Alexis Jordan. Et puis ce qui va arriver aussi, c'est qu'on va fêter nos 20 ans à Charleroi. Fun Radio fête ses 20 ans, c'est à Charleroi au Coliseum. Eh bien, venez nous rejoindre, on sera là, toute l'équipe de Fun Radio en direct. Écoutez ce qui suit. À la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Exactement, en direct et en pleine forme. C'est mieux d'ailleurs, et nous avons avec nous Philippe qui est là de Villevorde. Salut Philippe. Oui, bonjour. Eh oui, bonjour, comment ça va Philippe? Ouais, ça va très bien, en route pour le travail. Hein. Ah ouais, bah tu fais quoi dans la vie? Je suis ouvrier communal, je travaille à la commune de Scarbec pour un club de rugby, les Kituro. Eh ben écoute, très bien, bon taf alors Philippe. Bon merci, Philippe, merci. Tu avais trouvé la réponse à notre petite chanson, c'était celle-ci. Mais arrête de chanter, c'est une catastrophe. Oh du or, je fais ce que je veux quand même. Oh là là, c'est horrible. Le matin c'est un peu comme le karaoké à la radio. Bon alors, quel est le nom du groupe? C'est The Bangles. Eh oui, The Bangles, exactement. Walk like an Egyptian. Eh ben voilà, ça m'a réveillé ce matin. Mais en tout cas, ça va te permettre de repartir avec des cadeaux, Philippe. Tu choisis quoi? Il y a le home cinéma LG, il y a un écran plat, il y a une caméra vidéo numérique ou alors un lecteur MP3. Le home cinéma LG. Eh ben, il n'y a pas de problème, Philippe. Tu vas rester au standard. On prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, d'accord? Merci beaucoup, au revoir. Salut. Eh bah bonne journée à toi aussi, à bientôt. Ciao. Ciao. Et puis bah on va rejouer dans un instant. Cette fois-ci c'est une petite devinette que nous allons faire d'ici quelques instants. Donc restez bien là, il y aura d'autres cadeaux évidemment à gagner. On fera également le nouveau jeu The Free Code Game tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire, allez-y également pour les inscriptions. 6322, débutez le message par Fritz et on vous rappelle pour jouer au Free Code Game tout à l'heure avant 9h. Et il est 7h30 maintenant, c'est l'heure de passer à l'actu, c'est avec Julie. Bonjour à tous, tout d'abord le rail est perturbé ce matin, notamment sur les lignes Bruxelles-Namur et à partir de Liège, en raison des vents violents d'une part et d'un mouvement de grève d'une partie du personnel de la gare de Liège-Guimin. Et puis Bruxelles Environnement recommande d'éviter les parcs, bois et forêts de la capitale en cause les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Certains parcs sont fermés au public depuis hier soir. Ils seront rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. À Namur, les parcs sont aussi fermés. La justice a tranché dans le procès de l'assassinat de la jeune Sadia d'origine pakistanaise. Des peines allant de 5 à 25 ans de réclusion ont été prononcées à l'encontre des 4 membres de la famille Sheikh reconnus coupables de l'assassinat de Sadia en 2007 avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. Moudoussar, le frère de Sadia qui a tiré les coups de feu, a été condamné à 15 ans de réclusion. Sa sœur Saria écope de 5 ans de prison. Les parents ont les peines les plus lourdes. Le père, 25 ans et la mère, 20 ans de prison. Le jury de la cour d'assises de Mons a donc clairement reconnu les parents de Sadia comme les instigateurs de ce crime d'honneur. Les avocats des parents ont annoncé qu'ils iraient en cassation. La Belgique finira l'année 2011 avec un déficit budgétaire de 15,5 milliards d'euros selon une estimation de la Banque nationale révélée ce matin dans le journal L'Écho. Ce déficit est loin de l'objectif fixé de 13 milliards d'euros convenu avec la Commission européenne. Ce dérapage budgétaire serait a imputé à plusieurs facteurs, dont la liquidation du holding communal et le ralentissement de la croissance. Les automobilistes se ruent sur les voitures vertes depuis l'annonce fin novembre de la suppression des primes fédérales sur les modèles de voitures les moins polluants. Les showrooms des concessionnaires ne désensplissent plus. Le nombre total des ventes en 2011 devrait battre d'ici la fin de la semaine le record établi en 2010 avec un peu plus de 547 000 voitures neuves écoulées sur le marché belge. Joseph Kabila, le président réélu de la République démocratique du Congo, a reconnu des erreurs lors de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, mais il a estimé qu'elle n'invalidait pas les résultats du scrutin. Hier encore, une cinquantaine de personnes ont manifesté au quartier Matongé pour protester contre le résultat du scrutin. Les manifestants auraient planifié de se rassembler à nouveau aujourd'hui pour mener de nouvelles actions. Et il est 7h33 sur Fun Radio. Restez bien là, il y aura tout à l'heure le nouveau jeu The Free Code Game. On aura la devinette qui colle que je viens de mettre d'ailleurs sur le Facebook et sur le Twitter. Si vous voulez avoir un petit peu d'avance pour réfléchir, allez nous rejoindre sur facebook.com/mikaelofficiel. Et puis la météo, quel temps dégueulasse pour aujourd'hui. Bah ouais, grosse pluie ce matin, averse cet après-midi, rafale de vent jusqu'à 90 km/h, températures qui peuvent atteindre jusqu'à 10 degrés aujourd'hui. Demain, toujours de la pluie et même de la neige sur l'Ardenne. Waouh, et bon, on me confirme, tiens, il y a un SMS qui vient d'arriver au 30-44. Je suis à pied sous les rafales de vent. Mais oui, comme à mon avis, courage. Tout le pays, je pense. Bon courage, effectivement, ce matin. Prudent également sur les routes. On fera un point du côté du trafic. Ce sera d'ici un petit quart d'heure. Donc, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un accident, d'un radar, quoique les radars, à mon avis, doivent facilement tomber ce matin, vous envoyez un petit message au 30-44 pour éviter aux autres conducteurs de se retrouver dans le même bordel que vous. Vous faites péter donc la fun solidarité. Allez, dans un instant, Sean Paul avec She Doesn't Mind. Et puis, l'info en plus maintenant, toujours avec Julie. Alors, j'ai une info pour tous ceux qui ont envie d'être un peu bling bling pour les fêtes du réveillon. C'est parfait ça. Alors c'est maintenant... Je pense que notre nouveau stagiaire a l'air un peu bling bling quand même. Oui. Seb. Ah ouais, tout à fait. Hein. Ah oui, il a l'air bien bling bling. Mais, hein. C'est pour toi, alors, Seb, les lentilles de couleur. Alors si pour toi ce n'est pas encore assez classe. Attends, tu peux t'arrêter, tu peux faire. Voilà. C'est bon. Mais oui, moi c'était pour te rendre service. T'as fait un peu une voix sexy, un peu cassée, non? Moi je fais ce que je peux pour les auditeurs. Hein. Oui, oui. Alors pour être encore plus bling bling que simplement mettre des lentilles de couleur, si t'as les yeux bruns, que tu veux les yeux bleus, etc., tu peux carrément opter pour les lentilles en or 18 carats. Mais ça c'est la classe. C'est ce que propose une entreprise indienne, Eye Jewelry. Eh bien t'as au choix des lentilles en or jaune, en or blanc, assorties ou non de diamants. Alors pour créer les lentilles, ils utilisent une technique normalement utilisée à des fins thérapeutiques. Alors le prix évidemment est assez prohibitif. Tu peux t'arrêter. Tu en as jusqu'à 10 000 euros. Ah oui, quand même. Donc oui. C'est entre 7 000 et 10 000 euros. C'est à toi de t'être rendu. Ah oui. Mais bon, alors, ça c'était un peu la mauvaise nouvelle. Mais bonne nouvelle, les bénéfices. On peut payer en plusieurs fois, c'est vrai. Non, mais par contre, les bénéfices servent à financer le traitement de patients atteints d'une maladie qui peut te rendre aveugle. Donc, ah oui. Pourquoi pas ben hein, c'est bien. Si, hein. Pour tous ceux qui sont bling-bling, qui ont de l'argent à dépenser. Bah voilà. Au moins, vous serez bling-bling, mais pour quelque chose. Bah oui, tous les rappeurs qui ont leurs dents en or, Paris Hilton, qui s'achètent une Ferrari comme ça, machin, qui ne sait pas quoi en faire. Bah écoute, pourquoi pas. Maintenant, on est l'anti-bling-bling. Bah voilà. 10 000 euros pour elle, c'est comme si on dépensait 10 balles, nous. Donc, c'est exactement ça, ouais. Bah, qu'elle y aille, hein, qu'elle donne les bénéfices sont pour une bonne action. Mais exactement. Bon, il est 7h35. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il était à pied sous les rafales de vent. Il y en a un autre qui répond: moi j'ai chaud dans ma voiture, chacun sa merde. Enfoiré. Oui. Et alors, bouchon jusque sortie 8, direction Bruxelles, sur la E411. On signale également un arbre qui bouche une bande sur. Donc c'est quoi, c'est l'arrêt d'urgence? C'est la première bande de circulation sur la E411 vers Namur, avant la sortie 8. Ah bah voilà, donc d'où le problème du premier auditeur juste avant. Donc bah, soyez prudents si vous êtes sur la route, évidemment. Dans un instant, la devinette qui colle de ce matin pour repartir avec tous vos cadeaux. C'est juste après le son de Sean Paul, le nouveau son de Sean Paul maintenant sur Fun Radio. She doesn't mind. Passez une excellente matinée, il est 7h36. C'est mardi aujourd'hui, le 13 décembre, et le temps est complètement dégueulasse. Donc prudent sur la route, effectivement, et prudent si vous sortez de chez vous. C'est Fun Radio, il est 7h38, bon réveil tout le monde. Si vous venez de débarquer, soyez les bienvenus. Évidemment, le nouveau jeu de Free Code Game arrive tout à l'heure. Donc si vous voulez jouer avec nous, vous êtes les bienvenus. Évidemment, vous nous envoyez un petit message au 6322, vous débutez le message par frites, et puis nous on vous rappelle. Vous allez voir, c'est un jeu marrant qui vous permet de repartir. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui choisissez le cadeau. Petit cadeau, moyen cadeau, grand cadeau, gros cadeau. Donc voilà, c'est vous qui choisirez, mais je vous expliquerai les règles du jeu tout à l'heure. Première donc de The Free Code Game. Nous allons maintenant vous poser la petite devinette qui colle. Je vois déjà une réponse qui arrive, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. J'avais oublié que je l'avais déjà mise sur le groupe Facebook et sur Twitter, donc pour avoir un petit peu d'avance. Alors écoutez bien, ces marteaux et leurs coups n'enfoncent qu'aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? Julio a retrouvé la bonne réponse? Je vais même pas écouter ce que t'as dit. Je vais la répéter. Dorénavant, j'écouterai plus tes infos, fais attention. Bah, tu le fais déjà pas, donc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis tout ouïe des informations. C'est bon, quoi. Ces marteaux et leurs coups n'enfoncent qu'aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, est-ce que Seb le stagiaire a trouvé la bonne réponse? Ah, je pense. Très bien. C'est un instrument de musique, un gros instrument de musique. Très, très lourd. Trop lourd. Beaucoup trop lourd. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des écrans plats à gagner. Il y a des home cinéma LG. Il y en a un qui est parti tout à l'heure, tiens, justement, avec notre ami Philippe. Qu'est-ce qu'il y a également? Des lecteurs MP3 ou des caméras vidéo numériques. Bonne chance, tout le monde. Je répète une dernière fois, ces marteaux et leurs coups n'enfoncent qu'aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? C'est un instrument de musique qui est énorme et qui est surtout très très lourd. Bonne chance tout le monde, on écoute dans un instant Kerry Hilson sur Fun Radio avec Lose Control. On fera un tour du côté de l'infotrafic aussi dans un instant avec tous vos messages qui arrivent au 3044 pour nous signaler des problèmes sur les routes. Merci à vous. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Il est 7h45 sur Fun Radio. Bon réveil avec nous. Il y a un gros bouchon à Sprimont sur la grande route la grande route 2 vers Sprimont à hauteur d'Éloise. C'est cargo. Compliqué leur message. Hein. Enfin, il y a un problème apparemment à ce niveau-là. Hein. C'est un message qui vient d'arriver au 3044 à l'instant. Et puis d'autres problèmes, Julie? Accident sur le ring d'Anvers en direction de Gand à hauteur de Anvers, Sint-Anna-Link-Rouvor. Une équipe est en route. C'est une voiture qui est sur le flanc. Accident aussi sur le 19 Bruxelles en direction de Anvers à hauteur de Edegem. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 31.4. Soyez prudents, il pleut, ça glisse et les arbres tombent sur les routes. Exactement, donc faites attention quand même, on ne sait jamais. Plein de messages qui arrivent également au 3044. Si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Et il y a un message qui dit: bonjour Fun, dommage que vous coupez toutes les chansons comme ça. Non, la chanson qui vient de passer, alors je vous explique en 2-3 mots, c'est parce qu'il y a dans certaines villes de la pub et dans d'autres villes il n'y a pas de pub. Alors il y a certaines chansons qui effectivement sont un peu raccourcies, mais rassurez-vous, ce n'est pas grave, nous ne sommes pas méchants. Voilà, en tout cas on a bien vu ton message, t'inquiète. 7h46 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec la devinette qui colle. On en parle dans un instant et on écoute Kerry Hilson maintenant. petit message qui vient d'arriver tiens à l'instant sur les SMS. Alors où est-ce qu'il y a le message? Bonjour à tous, il fait un temps de merde, bon courage à tous, gros bisous à Julie. C'est un message qui vient directement du Grand Duché du Luxembourg. Et puis un autre message qui est arrivé également. Big up à tout le monde, vous êtes trop bien, bah, c'est gentil. Rappelez la devinette s'il vous plaît, bah, je fais ça dans un instant. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13 Fun Radio. Fun Radio. Avant toute chose, la ligne anti-relou sur Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est relativement simple. C'est un numéro qu'on met à votre disposition, le 0-473-86-00-13. Numéro qui fonctionne 24 sur 24, évidemment, car le relou ne dort pas. Hein. Et le relou est toujours au taquet, le relou est toujours disponible, prêt à vous prendre la tête. C'est un peu le concept du relou. Et donc, chaque matin, on diffuse les meilleurs messages qui ont été laissés sur votre répondeur. Normalement, car quand vous allez donner ce numéro de téléphone, le 0473 86 0013, à un relou, et ben le but c'est que le relou soit persuadé que c'est votre numéro. Du coup, tous les matins, on écoute les meilleurs messages, comme celui-là par exemple. Écoutez. Oh, vas-y, c'est lui. Alors, mon anniversaire, tu vas m'en souci. Tu m'appeler. C'est difficile, hein. Oh, celui-là, c'est quand même dur. Celui-là, c'est très dur. Bon, deuxième message. Salut Jonas, c'est Christopher. Juste un petit message pour dire que je voulais savoir comment que ça va. Comment que ça va? Voilà. Plus. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire à plus aussi alors, hein, comment que ça va, à plus. Et puis dernier message. Marion, c'est Stéphane, je laisse enfin un message comme ça, me l'a demandé. Du coup, j'ai très envie de t'entendre, donc si tu peux me rappeler. Et n'hésite pas, mais à mon avis, je pense que c'est mort. S'il t'a envoyé sur le numéro de la ligne anti-relou, je pense que c'est qu'il s'en fout un petit peu de toi. Il faut le savoir quand même à un moment ou un autre. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste, mais que veux-tu? C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. 7h51 sur Fun Radio. Bah, comme promis, je vous rappelle la devinette qui colle maintenant. C'est pour repartir avec vos écrans plats, vos home cinéma, comme c'est parti tout à l'heure d'ailleurs. Le home cinéma LG 5.1, c'était chez notre ami Philippe. Il y a également des caméras vidéo numériques. Pour les vacances, ça peut être un bon délire. Ou des lecteurs MP3. Écoutez bien, c'est marteau et leur coup. N'enfonce qu'aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? Ce n'est pas un orgue, ce n'est pas une grosse caisse non plus. C'est énorme, effectivement. Il peut être. Il faut pouvoir. Il faut arriver à en jouer, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est quand même relativement compliqué. Il y a plein de touches, partout. Enfin, partout pas, mais en tout cas, il y a plein de touches, voilà, de deux couleurs. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est 1 euro le message, bonne chance. Et pour nos amis luxembourgeois, c'est aussi 121-783-605 qu'il faut s'inscrire. Et on va écouter un de mes sons préférés pour l'instant, qui fait très 80s, très 80s et très Swing c'est Out bon Sisters. Pour ça. Ah ouais, grave. Ça change de ton truc là. Ah oui, mais j'ai pas choisi. Hein. Okay. Le son de Beyoncé maintenant, c'est Love on Top sur Fun. Bonne matinée. Qu'il est bon le morceau là à l'instant. Beyoncé avec Love on Tap sur Fun Radio. Et on signale un radar mobile sur la E42 à hauteur du périphérique R3 en direction de Liège. Et c'est en venant de Mons. Voilà, dédicace à tout le monde, surtout Jubit et son fils. Merci beaucoup et bonne journée. Et ben merci à toi de nous avoir prévenus pour le radar. Enfin, surtout pour tous les auditeurs qui sont actuellement sur la route et qui risquent justement de se faire prendre. Donc levez le pied, de toute façon, dans l'absolu, levez le pied parce que bah. Il fait un peu dégueulasse ce matin, donc faites attention. On fera le nouveau jeu tout à l'heure, ce sera The Free Code Game. Si vous voulez jouer avec nous à ce nouveau jeu qui risque de rester dans les annales, n'hésitez pas. J'ai très peur, hein. Je ne sais toujours pas en quoi il consiste. Oh, mais tu vas voir. Très, très non, mais ça va. Si vous voulez jouer avec nous, 63-22, débutez le message par Fritz. Et vous le savez, ce matin, Tof a décidé de passer des coups de fil à la Belgique entière pour voir si effectivement il croit en les extraterrestres, puisqu'il est tombé sur une étude qui dit que les Américains sont près de 23%. 28, je me souviens plus, à croire que les extraterrestres existent, et surtout, il y en a qui sont persuadés être en contact permanent avec des extraterrestres, et c'est ça le drame en fait finalement. Donc je propose qu'on appelle à Esne maintenant pour vérifier ça. C'est parti, direction Esne, donc tentative de vérification des extraterrestres. Allez. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les extraterrestres existent? Eh ben voilà, moi ça le mérite d'être rapide. Hein. Ah oui, pour le coup, oui. Bah oui, bon, on va la rappeler la petite dame là. On va laisser faire comme ça. Bah elle avait l'air tellement gentille. Allez, ah, radar au Haut-Sar à Liège. Oui, on a été coupé, j'ai pas eu le temps d'entendre votre réponse. Et quelle est votre réponse, vous? Bah moi je ne sais pas, c'est pour ça que je vous appelle. Ben moi c'est non. Salut.

d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le ministre canadien de l'Environnement, Peter Kent, qui l'a annoncé. Il a justifié cette décision par l'affirmation que Kyoto ne fonctionne pas et par le fait que le Canada courait le risque de devoir verser des pénalités de plusieurs milliards de dollars s'ils en restaient signataires. Le Canada devient ainsi le premier pays à s'être officiellement retiré de cet accord signé en 97 et entré en vigueur en 2005. Dans un instant, la météo. Avant cela, il y a un message qui vient d'arriver au 3044 qui dit bloqué dans le train depuis 20 minutes à cause d'un arbre qui est couché sur les voies. C'est Steph qui nous a envoyé le message. Bah, bon courage Steph, et dis-nous quel train c'est, hein, comme ça on saura plus ou moins où est-ce qu'il y aura un peu de bordel en prévision. 8h04 sur Fun Radio. Je vous explique comment vous faire rembourser vos factures dans un instant, mais avant cela, c'est la météo. Grosse pluie ce matin, averse cet après-midi, rafale de vent jusqu'à 90 km/h, température qui atteignent les 10 degrés. Demain, toujours de la pluie et même quelques neiges, quelques flocons de neige sur l'Ardenne. Ouais, mais c'est de la neigeotte, hein. Oui, c'est de la neigeotte. Il n'y aura pas 50 cm, hein, rassurez-vous. Non. Dans un instant, je vous explique donc pour le remboursement de vos factures, il y en aura l'info en plus également. Fun Radio. Fun Radio. Et le remboursement des factures, c'est un jeu d'enfant. Pour s'inscrire, c'est simple. Vous envoyez un petit message au 6322 par SMS, c'est 1€ le message, ou alors pour le Luxembourg au 621 783 605. Ça marche dans les deux cas évidemment. Et vous mettez facture en début de message avec le montant et l'objet de la facture. Et bah, peut-être que vous appelle dans quelques instants, dans 4 minutes pour être précis, pour vous rembourser votre facture. Comme là, 79€ pour le premier rasoir électrique de mon fils. Oh, trop mignon. Ah oui, mais quel âge il a? C'est la question que tout le monde se pose. 4 ans. C'est ça qui m'inquiète, effectivement. 51,63€ pour des jeux pour mes petits-enfants. Qu'est-ce qu'il y a? 54,95€ pour un service stable pour mon loulou. 75€ pour le remorquage de la voiture. 60€ pour un déshydrateur. Oui, ça, je l'avais lu tout à l'heure, là. 34,99€ pour le jeu Laboratoire de Monstres. Très bien, ça m'a l'air sympa, tout ça. Et si vous voulez donc qu'on vous appelle, eh bien, n'hésitez pas. 63,22€, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, tout le monde. Message qui dit: je vous aime beaucoup, bisous à tous, je t'aime Mickaël, signé Carla. C'est beau de voir des auditeurs aussi lucides le matin. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens sont déjà quand même tellement bien réveillés. Elle doit pas être très très bien réveillée. Oh si, pense. Justement. Gros bisous Carla. Bon, alors quelle est l'info en plus à 8h07? Eh bien, c'est un joueur de poker qui attaque en justice l'État. Il demande quand même pas moins de 100 000€ de dommages et intérêts. Alors pourquoi? C'est parce qu'il reproche à l'État de ne pas l'avoir protégé de son addiction. Ah oui, alors, normal. On se dit quand même, bah, quand on, l'État, il pouvait pas savoir. Eh bien, si l'homme qui a 37 ans est accro au poker et dans les casinos et aussi au poker en ligne depuis 20 ans, il a donc demandé au ministère de l'Intérieur de lui interdire l'accès aux casinos, aux tables de jeu, mais aussi au site internet de poker en ligne. Le ministère s'exécute, mais malheureusement, le joueur peut continuer à fréquenter les sites de poker. Alors, il y a eu une petite erreur, hein, une erreur technique apparemment. Oui, la faute à pas de chance. Du ministère de l'Intérieur, et donc, du coup, il a pu continuer à jouer. Alors, il a continué à dépenser sans compter jusqu'à 50% de son salaire. Donc quand même, chaque fois par mois, il lui restait quand même pas grand chose. Et donc du coup, maintenant, il attaque l'État en justice et il demande 100 000€ de dommages et intérêts. Quand même. Bah oui, mais en même temps, ils avaient prévenu, ils auraient pu faire un effort. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il l'oublie pas pour ça. Aller chercher les impôts. Hein. Non, ça c'est sûr. De ce côté, il l'oublie pas, ça c'est clair. Ouais, ça dépend dans quel sens. Ouais. C'est vrai. Ouais. Allez, on vous rembourse facture après le son de Snoop maintenant. Snoop Dogg avec Wiz Khalifa et Bruno Mars, c'était Young, Wild and Free. Un message qui est arrivé qui dit la 42 complètement bouchée à hauteur de l'échangeur. C'est Reggie qui a envoyé le message. Et il y a Mickaël aussi par mail qui me dit accident sur la E42 avant Riné, direction Mons. Mike, mais merci à vous en tout cas de nous prévenir pour tous les problèmes qu'il y a sur la route. Vous nous envoyez vos messages au 3044 ou alors simplement en nous envoyant votre petit message également sur le mail mickaël@funradio.be. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Allez, on rembourse vos factures, c'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio avec quelqu'un maintenant qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture. C'est parti, on y va, on l'appelle. Mike Hoffman. Oh, c'est dommage. Pas disponible pour en plus, c'est moment. Dommage, c'était pour le remboursement du déshydrateur pour Noël. Je voulais savoir ce que c'était. Ah oui, dis. Allô, bonjour. Bah, c'était Mickaël. Bah oui, on t'appelait pour te rembourser ta facture de 60€ pour le déshydrateur pour Noël. Alors. J'aurais bien voulu savoir. Non, mais qu'est-ce que c'est le déshydrateur pour Noël, tu vois? Parce que bon, tu sais, ça peut être un déshydrateur. Bon, je comprends pas. Je sais pas. Donc, bah là, c'est perdu. Donc, on ne saura pas. C'est dommage. Hein, on n'ira pas se coucher plus intelligent ce soir, ou en tout cas moins con. Mais c'est malheureux. Bon, bah écoute, tu n'hésites pas. Tu retentes ta chance avec nous quand tu veux. Peut-être qu'on te retirera au sort. On ne sait jamais. Je te fais des bisous en tout cas. Et puis, bah si t'es une fille, et puis une bonne poignée de main si t'es un mec. Hein. La bonne journée à toi en tout cas. Et puis, bah les autres, vous savez comment ça se passe maintenant. Vu que ça n'a pas été gagné maintenant, vu que le tirage au sort s'est mal passé en l'occurrence. France, eh bien, on remet le couvert. C'est parti. Vous avez jusqu'à 9h10 pour vous inscrire au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On tirera au sort quelqu'un qui s'est inscrit uniquement entre 8h10 et 9h10. Bonne chance tout le monde. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On donnera la réponse aussi à la devinette qui colle dans un instant et on écoutera le son de Florida dans un instant également. Il y aura également l'horoscope de Doudou qui va arriver sur Fun Radio. Restez là. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio, l'horoscope. Et c'est l'heure maintenant de passer à l'horoscope, comme tous les matins sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. L'horoscope avec Doudou qui est en pleine forme ce matin, Doudou. Oh là là, oui, tout va bien ce matin. Avec le vent, tout ça, là. Oh là, ça a là, été... là là, mais ça m'a décoiffé, oh là là, je comprends pas. Enfin, c'est pas pour les cheveux que vous avez sur la tête, faut pas abuser non plus. Hein. Bah oui, mais quand même. Hein. Bon, allez, l'horoscope maintenant, justement. Quel temps pour les gens ce matin? Quel temps? Pas du tout, je suis parti sur les temps, moi. Quel horoscope, voilà, quelle bonne journée aujourd'hui pour les béliers, par exemple. Oh là là, vous allez vous envoler. Non, c'est pas vrai. Donc, continuez à prendre des repas réguliers. Je pensais que vous aviez vu que j'avais maigri. Mais justement, c'est pour ça. Faut continuer. Bon, les taureaux. Grâce à votre bonne organisation, vous défendrez votre point de vue avec élan et habileté. Les gémeaux. Vous avez atteint la ligne d'arrivée. Maintenant, vous pouvez rattraper le retard pris dans les autres domaines et vous accorder un peu de repos. C'est ça le mieux, c'est ça qu'il faut faire. Bon, les cancers. Les cancers, ne vous laissez pas gâcher cette journée par des petits problèmes bêtes. Les lions. Malgré toutes les passions, laissez aussi votre raison s'exprimer. Agissez raisonnablement aujourd'hui. Les vierges. Votre partenaire ne voit que vous. Alors, vous le charmez, vous avez de la chance. Les balances. Les balances, vous allez passer une bonne semaine car vous êtes plein d'énergie. Rien ne peut vous faire sortir de vos gonds. Les scorpions. Les investissements à long terme promettent une bonne réussite. Très bien, les sagittaires. Pensez-y, votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments, mais vous ne lui laissez aucune chance, ce n'est pas bien ça. Mais oui, c'est mal. Les capricornes. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les verseaux. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre partenaire va être récompensé. Bon, et puis pour terminer, les poissons. De bonnes idées vont avoir des conséquences positives dans votre vie professionnelle, mais oui. Mais oui, il faut y croire, évidemment. Bon, le retour de l'horoscope, c'est dans moins d'une heure sur Fun Radio, comme d'habitude. Et à 8h20, je vais vous rappeler une dernière fois la devinette qui colle, avant de donner la réponse, justement. Devinette qui colle ce matin, facile, c'est un instrument de musique. Hein. Ces marteaux et leurs coups n'enfoncent qu'aucun clou doté d'une queue. Il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il? La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Vous repartirez peut-être avec un écran plat. Il y a également des home cinéma LG, il y a des caméras vidéo numériques ou encore des lecteurs MP3. Bonne chance tout le monde et on écoute en attendant le son de OJ maintenant sur Fun Radio. C'est Friday Night. Bonne matinée sur Fun Radio, il est 8h20 et il y aura le Free Code Game tout à l'heure, le nouveau jeu avant 9h. OG à l'instant, Friday Night, et OG qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine. Je vous donnerai le jour exact évidemment un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Nous allons avoir la bonne réponse dans quelques instants par rapport à la devinette qui colle. Bon, on va la prendre maintenant. Tiens, il y a Stéphane qui est là, c'est comme il y a Lob qui est en train d'essayer de faire atterrir un avion. Est-ce qu'il me fait des signes ou pas? Il pourrait faire atterrir un 747 là sur les pistes de Zaventem. J'essaie de faire atterrir le moustique qu'il y a dans la pièce. Ouais, c'est ça, ouais. Notre autre van, tu la vannes, Lob. Bon, Stéphane. Allô Stéphane, tu m'entends? Oui, je suis là, Mickaël. Comment ça va, Steph? Ça va. Bon, t'as 28 ans, t'appelles de Jumet, tu as la réponse à la devinette qui colle. Ces marteaux et leurs coups n'enfoncent qu'aucun clou. Doté d'une queue, il n'est pas animal. Sans avancer, on appuie sur ses pédales. Qui est-il, Stéphane? Un piano. Eh oui, un piano et non pas un orgue. Hein, voilà, comme on l'avait proposé, ce n'est pas l'orgue. En tout cas, bravo à toi. Bravo à toi, Stéphane. Tu repars avec un écran plat, un home cinéma ou alors une caméra vidéo numérique ou un lecteur MP3. Tu choisis quoi? Un écran plat. Eh ben, il est pour toi, Stéphane. On va prendre tes coordonnées. Je te renvoie chez Lob au standard, d'accord? Je peux faire un big up? Non, vas-y, bien sûr. Vas-y. Allez, vas-y, Steph. Un big up du Carrefour Express de Charleroi. Oh, putain, très bien. Eh ben, y a pas de souci, Steph. On embrasse tout le monde là-bas. Allez, salut Steph, à bientôt, ciao à toi, bye bye. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait, hein. Big up Carrefour Market de Charleroi.

d'années. Les syndicats parlent d'une grève émotionnelle. Seul un train sur cinq partira de Liège ce matin. Les intentions de recrutement des employeurs restent stables et prudentes pour le début 2012. Manpower a sondé 750, c'est difficile ce matin, employeurs. Ah oui, il y a eu beaucoup de monde quand même ici. Donc Manpower a sondé 750 employeurs belges et 3% d'entre eux pensent supprimer des emplois durant le prochain trimestre. Les secteurs de la construction et du transport et de la logistique se montrent plus optimistes en termes de recrutement. L'embauche est par contre quasi à l'arrêt chez les producteurs d'énergie et dans le secteur de l'agriculture-pêche. La Belgique finira l'année 2011 avec un déficit budgétaire de 15,5 milliards d'euros selon une estimation de la Banque nationale révélée ce matin par le journal L'Écho. Ce déficit est loin de l'objectif fixé de 13,3 milliards d'euros convenu avec la Commission européenne. Ce dérapage budgétaire serait à imputer à plusieurs facteurs, dont la liquidation du holding communal, le ralentissement de la croissance et le fait que le fisc rembourse de plus en plus tôt les contribuables. Les automobilistes belges se ruent sur les voitures belges depuis l'annonce fin novembre de la suppression des primes fédérales sur les modèles de voitures les moins polluantes. Eh bien, les showrooms des concessionnaires ne désemplissent plus. Le nombre total des ventes en 2011 devrait battre d'ici la fin de la semaine le record établi en 2010 avec un peu plus de 547 000 voitures neuves écoulées. Et puis la justice a tranché dans le procès de l'assassinat de la jeune Sadia d'origine pakistanaise. Lourde peine à l'encontre des membres de la famille Cheikh reconnus coupables de l'assassinat de Sadia en 2007 avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. Moudoussar, le frère de Sadia qui a tiré les coups de feu, a été condamné à 15 ans de réclusion. Sa sœur Saria écope de 5 ans, le père 25 ans et la mère 20 ans de réclusion. Le jury de la cour d'assises de Mons a donc clairement reconnu les parents de Sadia comme les instigateurs de ce crime d'honneur. Les avocats du père et de la mère ont annoncé qu'ils iraient en cassation. Et puis enfin, Bruxelles Environnement recommande d'éviter les parcs, bois et forêts de la capitale. En cause, les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Certains parcs sont fermés au public depuis hier soir. À Namur, les parcs sont aussi fermés. Et il est 8h34 sur Fun Radio, c'est l'heure de faire un tour du côté de la météo. Grosse pluie ce matin, averse cet après-midi, donc pas beaucoup mieux. Rafale de vent jusqu'à 90 km/h, je viens de le dire. Températures qui sont entre 6 et 10 degrés. Demain, toujours de la pluie et même de la neige sur l'Ardenne. Ah ouais, carrément, donc c'est fini, on peut plus faire marche arrière, c'est plié. Hein. Dans un instant sur Fun Radio, ah bah une info tiens, qui est arrivée, ça bloque au croisement boulevard du Midi, c'est l'horreur. Bon courage à tous, ah bah ouais, c'est clair, bon courage à vous aussi. Bonjour à tous, je vous écoute tous les jours, vous donnez du courage, vous aime, c'est Marie-Lou de la Louvière. Eh ben, merci à toi et gros bisous. Et message qui dit, il a déchiré l'ob sur la déclaration, il l'a bien chanté. Sous-entendu, la dernière, les autres fois, c'était pas terrible. Voilà. Il y a le nouveau jeu qui arrive dans un instant, The Frit Code Game. Donc, si vous voulez vous inscrire, 6322, débutez le message par Frit, tout simplement. Et puis, on va se faire un faux en plus maintenant avec Julie. Eh bien, j'ai un truc pour vous, pour le réveillon. On a envie de se faire un petit peu plus beau et en général, on se fait un peu plus bling-bling. Hein. C'est oui, là qu'on c'est sent vrai, les paillettes. Eh bien, j'ai des lentilles de couleur pour vous, mais pas tout à fait comme les autres. Elles sont plus bling bling parce qu'elles sont quand même en or 18 carats. Ah oui, ça. Alors c'est une. C'est sympa aussi. L'homme a l'air déjà très intéressé. Ah oui, bah, lui, il est. Alors attends, je n'ai pas encore donné le prix, mais d'abord je vais t'expliquer. C'est une entreprise indienne, iJewelry, qui propose ces lentilles, donc lentilles en or jaune, blanc assorti ou non de diamants. Alors elles sont créées avec une technique normalement utilisée à des fins thérapeutiques, ça c'est pour les détails. Bon alors ça y est, j'y arrive, l'ob, tu voulais le prix. Eh bien il faudra quand même débourser entre 7200 et 10 000 euros. Mais il peut le faire, Voilà, s'il n'utilise pas son salaire, mais rien de son salaire pendant un an, il peut l'acheter. Bah écoute, pourquoi pas, donc il peut y arriver. Alors les bénéfices, c'est la bonne nouvelle quand même, servent à financer le traitement de patients atteints d'une maladie qui peut rendre aveugle. Donc ah, c'est bah, le syndrome de Steven Johnson. Donc voilà, donc l'ob, ton argent. Hein, que tu iras dépenser pour acheter tes lentilles, eh bien il ira directement à la et ça c'est cool à, bon, à la fondation. Ouais. C'est un respect quand même. Ouais. Respect. Ouais. Respect. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Il est 8h36 sur Fun Radio. Dans un instant, le nouveau jeu The Frit Code Game qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Et puis je vous ferai écouter également le notre invité mystère de ce matin. Tiens, notre invité mystère qui vous fera peut-être repartir avec des gros cadeaux. Là, il y a des écrans plats, il y a des home cinéma LG, il y a des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Bonne chance tout le monde. Et puis on va s'écouter le son du... Colonel Riel et Mystérieux. Voilà, c'est Mets-toi à l'aise. Il est 8h36 sur Fun Radio. Bonne matinée.

parce qu'il y a des Américains. On est tombé sur une enquête, cette offre qui est tombée sur une enquête qui dit qu'apparemment, effectivement, 28% des Américains, bon, il y a une virgule, mais on va pas chipoter, croiraient aux extraterrestres, et surtout, il y en a beaucoup qui seraient persuadés être en contact régulier avec des extraterrestres. Donc on a appelé SNE tout à l'heure, bon, la personne nous a dit non, hein. On a appelé Awa, la personne nous a dit je ne veux pas répondre, mais non. Donc elle a quand même répondu au final. Donc là, je propose qu'on appelle à Froid Chapelle. C'est parti, premier appel maintenant, vérification si les gens sont persuadés que les extraterrestres existent ou pas. Appelons à Froid Chapelle maintenant sur Fun Radio, c'est parti. Allô. Oui, bonjour madame. Oui monsieur. Oui, bonjour, voilà, en fait je vous appelais pour savoir si vous pensez que les extraterrestres existent. Il vous manque quelque chose, hein. Vous êtes peut-être vous l'extraterrestre, hein. Vous avez vu l'heure qu'il est? Ah, donc vous pensez que ça existe? Bah écoutez, excusez-moi, mais si vous êtes un extraterrestre, il vous manque un grain. Hein. Je pense qu'elle n'a pas bien compris la question. Hein. Elle n'a pas demandé si lui, si Toff était l'extraterrestre, on a simplement demandé si elle y croyait. Bon, on la rappelle. Oui, ce sera dommage quand même, autant qu'elle réponde bien à la question. Allô la Lune? Oui, bonjour monsieur. Alors, vous pensez vous aussi que les extraterrestres, ça existe? On va sur votre gueule, vous le voulez aussi? Mon point sur votre gueule, vous le voulez aussi. Ah, ils sont charmants, hein, Froid Chapelle. Hein. On s'en sent. Froid. Ah oui, on se sent bien accueillis. Et ça fait plaisir, effectivement. Bon, eh bien, je pense que nous n'aurons pas de réponse. C'est dommage. Hein. Bah, dites-nous si vous croyez vous aux extraterrestres. Tu crois, toi, Julie, ou pas? Je crois qu'il y a un monde, un autre monde qui existe. Je pense, oui, qu'il y a une autre vie, une forme de vie ailleurs. C'est pas possible, c'est tellement grand, la galaxie. Ouais, c'est vrai. Donc, à mon avis, oui, il y a une autre forme de vie. D'ailleurs, ils ont découvert deux trous noirs gigantesques, ouais, hier aussi. Et aussi, on en a parlé hier. Sœur de la planète Terre. Ouais. Oui, mais enfin, elle est quand même à. Bon, oui, bon évidemment, le problème. Bon, il y a quelques stations-service, mais elle est quand même loin. Hein. Faudra s'arrêter souvent, quoi. Ouais, faudra quelques vies pour y arriver. Oui, mais bon. Il est temps que tu rendes l'antenne. Hein, donc, non, bon, ça va, d'ici une demi-heure là. Ouais, d'ici une demi-heure, on est encore bien. Surtout que là, nous avons toujours évidemment notre invité mystère à découvrir. Je vous le remets, ça fait du bien pour les oreilles. Hein. C'est vrai, écoutez bien. Voilà. On proposait Lionel Messi. Non, pas du tout, il joue pas au Real, il joue au Barça lui. On proposait Deco également. Non, c'est pas Deco. C'est pas Pepe. Bon, vous avez fait le tour des joueurs portugais presque. C'est pas Carvalho également. Voilà, c'est encore un joueur portugais. Bon, c'est un des joueurs. C'est le roi d'Espagne, non pas du tout. C'est un des joueurs les plus connus du Portugal, belle gueule, blindé d'oseille. Quand il est arrivé au Real, ça a fait scandale parce qu'il a pris une tellement grosse blinde pour y aller que voilà, ça a fait le scandale. Si vous avez la bonne réponse, quel est notre invité mystère? Écran plat ou alors les Home Cinéma qui sont à gagner au 63-22. Maintenant, vous envoyez la réponse. Bonne chance tout le monde. Et puis au niveau du numéro luxembourgeois, pour jouer avec nous, c'est le 621-783-605. Fun Radio, il est 9h. Et dans un instant, c'est Jim Class Heroes qu'on écoute. On va vous rembourser vos factures aussi, hein. 63-22 code facture. Je vous explique comment ça va se passer dans un instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Il est 9h01 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est l'heure de s'informer maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Tout d'abord, le rail est perturbé ce matin, ce qui entraîne des retards de train, notamment sur les lignes Bruxelles-Namur et à partir de Liège, en raison des vents violents d'une part et d'un mouvement de grève d'une partie du personnel de la gare de Liège-Guimin. Ce sont les accompagnateurs de train qui ont décidé de débrayer outre la violence sur les lignes. Ils dénoncent un manque d'effectifs qui les empêche de prendre congé en cette période de fin d'année. Les syndicats parlent d'une grève émotionnelle. Seul un train sur cinq part de Liège ce matin. Les intentions de recrutement des employeurs restent stables et prudentes pour le début 2012. Manpower a sondé 750 employeurs belges et 3% d'entre eux pensent supprimer des emplois durant le prochain trimestre. Les secteurs de la construction et du transport et de la logistique se montrent plus optimistes en termes de recrutement. L'embauche est par contre quasi à l'arrêt chez les producteurs d'énergie et dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. La Belgique finira l'année 2011 avec un déficit budgétaire de 15,5 milliards d'euros selon une estimation de la Banque nationale révélée ce matin dans le journal L'Écho. Ce déficit est loin de l'objectif fixé de 13,3 milliards d'euros convenu avec la Commission européenne. Ce dérapage budgétaire serait à imputer à plusieurs facteurs, dont la liquidation du holding communal et le ralentissement de la croissance, mais aussi le fait que le fisc rembourse de plus en plus tôt les contribuables. Les contrats quoi ? Les contribuables. Ça c'est quand elle a picolé un peu, il ne faut pas lui en vouloir. C'est la fin de la matinée. Malgré la crise, les Belges sont nombreux dans les magasins. Les magasins ont été pris d'assaut ce week-end, vous le savez, et les Belges n'ont pas l'intention de réduire leurs dépenses de Noël, mais ils ont changé leurs habitudes de consommation. Ils se montrent ainsi plus attentifs aux promotions, tournent davantage le dos aux marques nationales et se laissent de plus en plus séduire par les hard discounters. Et puis la justice a tranché lourde peine à l'encontre des membres de la famille Cheikh, reconnus coupables de l'assassinat de Sadia en 2007 avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. Moudoussar, le frère de Sadia qui a tiré les coups de feu, a été condamné à 15 ans de réclusion. Sa sœur Saria écope de 5 ans. Le père, 25 ans de prison et la mère, 20 ans de réclusion. Le jury de la cour d'assises de Mons a donc clairement reconnu les parents de Sadia comme les instigateurs de ce crime d'honneur. Enfin, Bruxelles Environnement recommande d'éviter les parcs, bois et forêts de la capitale en cause, les rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Certains parcs sont fermés déjà depuis hier soir et aussi fermés à Namur. Et il est 9h03 sur Fun Radio, c'est l'heure de faire un tour du côté de la météo maintenant, avec forcément toujours les rafales de vent. C'est bof, grosse pluie ce matin, averse cet après-midi, comme je viens de vous le dire, effectivement, rafales de vent jusqu'à 90 km/h, température entre 6 et 10 degrés, demain toujours de la pluie et même de la neige sur l'Ardenne. Eh oui, ça va neiger. Bon, ça va neigeoter. Vous enflammez pas. Il y a pas trop de problèmes normalement. Il y a un peu de neige sur l'Ardenne. Ouais, mais vite fait quoi. 9h04 sur Fun Radio dans un instant. Eh bien, je vous explique comment ça va se passer pour vous faire rembourser vos factures. Restez bien sur Fun Radio. Ça va se passer dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Il est 9h04 sur Fun Radio, bonne matinée avec nous évidemment, bon courage si vous êtes coincé dans les bouchons par exemple, et puis profitez bien si vous êtes dans votre lit là, en train d'écouter l'émission en disant pépère, pendant que ceux qui sont en train de galérer dans les bouchons avec le vent et la pluie, vous avez bien raison, profitez-en bien. Dans un instant, je vous propose de vous faire rembourser votre facture. Si vous voulez qu'on vous appelle pour vous rembourser votre facture, un seul numéro, enfin deux en l'occurrence, 6322, c'est pour la Belgique, c'est 1€ le message, ou alors pour les Luxembourgeois, le 621 783 605. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, vous nous envoyez un SMS, vous débutez ce message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme là 55,22€ pour l'achat de l'ange pour ma fille, 69€ pour des gants de moto d'hiver, 70,03€ pour du carburant de la voiture, bonne journée à tous, 51€ pour Belgacom tout simplement, qu'est-ce qu'il y a également comme message, 75€ pour l'assurance incendie, etc, etc. 63,22€ code facture avec le montant et l'objet de la facture, bonne chance. Quelle est l'info en plus ? Eh bien, il y a quelques années encore, les enfants se contentaient de petits cadeaux, comme les Barbies ou un vélo, ce genre de choses. Eh bien, ça a bien changé. Le Père Noël, personnel, j'ai entendu ça, mais est extrêmement sollicité. Alors, c'est un magasin à Londres, le Selfridge, qui a révélé un petit peu la liste des demandes des enfants. Alors, il y a quand même un enfant qui a demandé une montre Rolex. Le truc, c'est qu'il coûte une blinde. Une petite de 3 ans qui a demandé une carte de crédit. Bah oui. Une autre qui espère avoir la robe de mariée de Kate Middleton. Bah voyons. Un petit garçon rêve d'avoir une Maserati, ou encore un autre un iPad 3. Oui, alors sachant que ça n'existe pas encore. Bref, les petits ont bien changé durant ces dernières années. Et moi j'étais content, j'avais reçu un petit flipper électronique à l'époque, moi j'étais ravi. Hein. Ah, j'étais à fond dans les Tortues Ninja, j'avais le camion et tout. Ça m'étonne pas, tiens. Voilà, qui mange des pizzas les Tortues Ninja. Maintenant ils veulent des Maserati et des iPad 3. Ouais, c'est ça. Et ouais. Des Rolex. Ah bah bien sûr, tant qu'à faire. Et même une carte de crédit, c'est quand même assez fou quoi. Hallucinant. Enfin bon, voilà. Bon, il est 9h06. J'allais dire 6h06. Allez, hop, on recommence à zéro. Il est 9h06 sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Dans un instant, le remboursement de vos factures au 6322 code facture. Et comme ce n'est pas tombé à 8h10, je vous le signale donc, on ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 8h10 et 9h10. Et on va s'écouter le son de Gym Class Heroes maintenant sur Fun Radio. Stereo Earth. Quelle bonne nouvelle. Juste au moment où Julie va sortir, il douche à Bruxelles avec du vent et tout. C'est top. Alors ça va être bien. T'es contente, non? Ça va, j'ai encore une heure ici, donc ça va. Bon, ça va. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, on va vous rembourser vos factures. Tiens, on proposait où est-ce qu'il est, celui-là, Fabio Quintão. Non, ce n'est pas lui qu'on recherche. C'est le numéro 7, hein, c'est pas compliqué, hein. Il joue dans l'équipe du Portugal évidemment, et il joue au Real de Madrid. Voilà. Et puis il n'a absolument pas joué d'ailleurs samedi soir. Enfin, il était sur le terrain, mais on l'a pas bien vu quoi. Si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez votre réponse au 63-22. On vous offre vos écrans plats ou vos home cinéma LG dans quelques instants, mais avant cela, et bien nous allons rembourser une facture. Allez, on appelle quelqu'un maintenant qui s'est inscrit au 6322 également, en débutant le message par facture, ou alors sur le numéro Lulu 621 783 605. Allez, c'est parti, on appelle Et on écoutera Global DJs après avec Hardcore Vibes. Alors, faut décrocher maintenant. Allô. Allô. Ouais. Ouais. Ça va? C'est qui? Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Dis-moi, j'ai une question pour toi. C'est qui paye les factures le matin? Ah, c'est Mickaël à la radio. Ah oui. Voilà. C'est qui? Hein? C'est qui? J'ai pas que ça à faire. Moi, je travaille. Hein. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Salut Julien. C'est donc Mickaël. T'es en plein boulot là? Ouais, c'est ça. Boulot de ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Rien, là je vais au boulot. Ah, tu vas au boulot, mais tu fais quoi dans la vie? Je travaille chez... Je peux faire de la pub? Non. Si tu veux, mais ça dépend, c'est quoi? Tu peux avoir un pourcentage? Je travaille chez Krefel. Ah oui, alors justement, est-ce que je peux avoir un pourcentage? Maintenant qu'on en parle, y'a pas des bons chez Krefel qu'on peut nous donner ou quelque chose comme ça? Ah bah très bien, tu es à quel Krefel? À Bouge. Ah oui, bon. Bouge. D'accord, ok, bon, c'est un petit peu loin évidemment. Non, hein. Voilà, non mais Krefel sont nos amis, il n'y a pas de problème. Bon, alors, tu nous avais envoyé un petit message pour qu'on te rembourse une facture pour une bague pour ta femme. Oui, c'est ça. Oh, oui. C'est mignon tout plein. Alors, quand elle va savoir en plus que la bague que tu lui as offert. Attends, quand elle va savoir que la bague que tu lui as offert, tu ne l'as pas payée de ta poche, je pense que tu vas te faire défoncer. Comment? Et tu l'as même pas payée de ta poche, espèce de sale rava. Comment tu l'as payée la bague? 40, 50, 60, je sais plus. 61,50€. 61,50€. Un peu crevard quand même. C'est pas la grosse bague, mais. C'est vrai, mais c'est l'attention qui compte. C'est pas 3 mois de salaire, voilà. Une bague de fiançailles. Petite bagounette. Qui a dit que c'était une bague de fiançailles. Ouais. Ça peut être une bague. Voilà, il ne croit pas non plus. Ok, d'accord. Bon, bah Julien, reste au standard, on va prendre tes coordonnées pour te faire ton remboursement, d'accord? Ça va, c'est gentil, merci. Salut, je t'en prie, à bientôt. Merci, à ciao, et on remet le couvert demain dès 6h sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Et on va s'écouter le son des Global DJs maintenant, c'est Hardcore Vibes sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, dans un instant c'est l'horoscope également avec l'ami Doudou comme d'habitude. L'horoscope ce sera à 9h15. Global DJs c'est maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, il est 9h13. Fun Radio, l'horoscope. Et c'est l'heure maintenant de passer à l'horoscope, comme tous les matins sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. L'horoscope avec Doudou qui est en pleine forme ce matin, Doudou. Oh là là, oui, tout va bien ce matin. Avec le vent, tout ça, là. Ah là là, mais ça m'a décoiffé, oh là là, je comprends pas. Enfin, c'est pas pour les cheveux que vous avez sur la tête, faut pas abuser non plus. Hein. Bah oui, mais quand même. Hein. Bon, allez, l'horoscope maintenant, justement, quel temps pour les gens ce matin? Quel temps? Pas juste partir sur les dents, moi. Quel horoscope, voilà, quelle bonne journée aujourd'hui pour les béliers, par exemple. Oh là là, vous allez vous envoler. Non, c'est pas vrai. Donc, continuez à prendre des repas réguliers. Je pensais que vous aviez vu que j'avais maigri. Mais justement, c'est pour ça, faut continuer. Bon, les taureaux. Grâce à votre bonne organisation, vous défendrez votre point de vue avec élan et habileté. Les gémeaux. Vous avez atteint la ligne d'arrivée. Maintenant, vous pouvez rattraper le retard pris dans les autres domaines et vous accorder un peu de repos. C'est ça, le mieux, c'est ça qu'il faut faire. Bon, les cancers. Les cancers, ne vous laissez pas gâcher cette journée par des petits problèmes bêtes. Les lions. Malgré toutes les passions, laissez aussi votre raison s'exprimer. Agissez raisonnablement aujourd'hui. Les vierges. Votre partenaire ne voit que vous. Alors, vous le charmez, vous avez de la chance. Les balances. Les balances, vous allez passer une bonne semaine car vous êtes plein d'énergie. Rien ne peut vous faire sortir de vos gonds. Les scorpions. Les investissements à long terme promettent une bonne réussite. Très bien, les sagittaires. Pensez-y, votre partenaire essaie de comprendre vos sentiments, mais vous ne lui laissez aucune chance, ce n'est pas bien ça. Mais oui, c'est mal. Les capricornes. Aujourd'hui, en amour, vous allez être positivement surpris. Les Verseaux. Vous avez attendu assez longtemps un jour comme celui-ci et votre partenaire va être récompensé. Bon, et puis pour terminer, les poissons. De bonnes idées vont avoir des conséquences positives dans votre vie professionnelle, mais oui. Eh ben, profitez-en bien alors, les poissons. Hein. 9h18 sur Fun Radio. Nous allons prendre la réponse maintenant. Nous avons Jean-Luc qui est avec nous. Allô, allô, allô, allô, Jean-Luc. Est-ce qu'il est là, Jean-Luc? Quand l'aube aura décidé de me le donner, Gilles sera là. Ah, il n'est pas très en forme ce matin. Il a deux mains gauches ce matin. Salut, il est Jean-Luc. Comme ça un peu depuis le mois d'août, en fait. Salut. Comment ça va, Jean-Luc? Ah, bien. Bon, t'appelles du Luxembourg ou ça, au luxe? Disons, j'appelle Luxembourg, mais je viens de Belgique. Hein. J'habite à Achy, à côté de AB. D'accord, ok. Mais là, t'es au luxe, en l'occurrence. Là, c'est au Luxembourg, oui. Donc, tu travailles au Luxembourg? Je travaille au Luxembourg. D'accord, très bien. J'appellerai immédiatement le fisc juste après, ne t'inquiète pas. Hein, j'espère. Je verrai s'il peut me faire une petite ristourne. Si je balance un fraudeur, hein, on verra bien. Bon, Jean-Luc, tu as la réponse, toi. C'est pour rire. Cristiano Ronaldo. Non, par contre, tu as un téléphone de merde, Jean-Luc, si je puis me permettre. On comprend pas. Ah, c'est, ou alors c'est le réseau luxembourgeois qui est peut-être mauvais. Mais enfin bon, tu as donc la réponse. Quel est notre invité mystère? Tiens, je vais le remettre un coup puisque vous êtes nombreux à avoir aimé, surtout Julie qui m'a demandé de lui mettre une petite cassette là pour sa voiture. Oui, parce qu'elle a encore une cassette dans sa voiture, faut le savoir. Hein. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas le pape, hein. Certains ont pensé à ça, mais ce n'est pas ça. Voilà. Bon, quelle est la bonne réponse, Jean-Luc, alors? Cristiano Ronaldo. Eh oui, c'était Cri-Cri, effectivement, Cristiano Ronaldo, le numéro 7, qui chantait donc pour une télévision portugaise, la SIC, pour être précis. Eh ben, Jean-Luc, bravo à toi, tu repars avec les cadeaux. Tu vas gérer ça avec l'aube au standard. Tu choisiras entre l'écran plat, le home cinéma LG, il y a encore aussi quoi, caméra vidéo numérique ou encore lecteur MP3. Je te souhaite une bonne journée, Jean-Luc. Merci. Et attends, juste une question, laisse-moi deviner. Tu travailles en banque? Non, pas du tout. C'est pas vrai. De travaux publics. En général, pourtant, tous ceux qui travaillent au Luxembourg. Parce qu'au Luxembourg, c'est très bien, mais il n'y a que des banques. C'est ça. Tu veux manger un truc? Bah, tu veux pas. Il y a la banque, oui, ça, oui. Une autre banque, toujours une autre banque, mais c'est tout, quoi. Bon, c'est une vanne, bien sûr. Jean-Luc, gros bisous à toi. Reste au standard, on prend tes coordonnées et on écoute Licky Lee maintenant. C'est I Follow Rivers. Ce son-là, fond de balle sur les pistes de ski, ça peut être un très très bon délire. D'ailleurs, ça se passera justement à Tignes pour la Fire Mix Party. On vous envoie là-bas tout frais, payé, gratuit, puisque vous aurez le petit studio là pour deux personnes avec la location de matériel de ski, les forfaits qui vont avec évidemment et les entrées au lagon. Vous irez donc faire la fête avec plus de 25 000 personnes qui seront, 25 000 clubbers qui seront donc pour la Fire Mix Party. Et en DJ, Antoine Clavaran. Bon, on savait pas qui mettre, alors on a pris un petit. Hein. On s'est dit, on va pas faire non plus dans le trop gros là. Hein. Non, Antoine Clavaran qui sera là pour mixer, pour passer de bonnes vacances de fin d'année. Tiens, si jamais ça vous intéresse, vous vous inscrivez au 6322, débutez le message par neige avec vos coordonnées complètes et on vous appelle dans quelques instants sur Fun Radio Live and Direct. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler d'une émission qui était passée sur RTL TVI dimanche soir. D'ailleurs, qu'on a failli rater. Une émission du troisième type. Alors, c'était une spéciale grand angle sur les femmes nées dans un corps d'homme. Et pour bien comprendre, voici les explications. Il y a un architecte là-haut qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis, s'est gouré de rouleaux pour les plans, et on lui avait demandé un mât provençal et il a livré un chalet suisse. Voilà, donc c'est une manière d'expliquer en fait qu'il est arrivé dans le mauvais corps. Ah d'accord. Voilà, hein, que Dieu, là, il a conçu un corps d'homme, alors qu'en fait c'est une femme et qu'il s'est trompé dans deux, trois trucs. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre un trans et un travesti, Julie? Je dirais qu'un trans, il a été opéré, un travesti, il continue seulement à se déguiser. Seb, enfin, le stagiaire. À se déguiser, ça. Bah ouais, effectivement, comme Julie, ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, ouais. Et ben voici la réponse. Parce que le but d'une transsexuelle n'est pas, comme un travesti, nous autres, le but n'est pas de choquer, le but est de passer inaperçu. Bah voilà, comme ça c'est plus clair, hein. Ce sera plus clair pour tout le monde, oui, comme c'est ça. C'est une façon de voir les choses. Bah c'est inaperçu, voilà. Et quand Evelyne va pour se faire opérer, elle a une façon relativement très personnelle et particulière de résumer son opération. Oui, mais moi, il n'y a rien à me tracasser. Moi, demain, on me prend, on me pique et je dors. Donc voilà. Quoi. Ah, bah, pas me tracasser, hein. C'est fait, c'est clair. Voilà, c'est ça, hein. Je crois que on va pas tarder à s'arrêter là. Mais est-ce que vous savez d'abord comment est-ce qu'on dit en langage trans qu'on a une relation avec quelqu'un? Non? Non, on est en couple. Relationship? Eh ben non. Il n'y a aucun caractère sexuel, il n'y a que du caractère amical. C'est une amitié très profonde. Ah oui, c'est une amitié très profonde. Voilà, je pense que tout est dit. Hein. On va s'arrêter là. Donc, on a appris pas mal de choses ce matin grâce à cette grande émission qui a eu lieu sur RTL TVI. Donc, c'était Grand Angle spécial. Les femmes nées dans un corps d'homme. C'est aussi simple que ça. Bon. Oui. Encore une grande autre émission, le retour de Confessions Intimes ou le retour de Julie Tâton, merde, avec L'Amour est dans le Pré, ça me manque déjà. Ah oui, Tout pour plaire, elle avait fait l'émission Tout pour plaire. C'est vrai. Non mais c'est pas spécialement Julie Tâton qui manque, c'est l'émission. Ouais. C'est ça qui est dommage. Mais ça c'est sûr, ouais. Quoi, tu kiffes Julie Tâton, Julie? Non, je l'aime bien faire non, des trucs. Pas du tout, n'importe quoi. Non, tu me dis, moi je l'appelle. C'est une très très chouette fille, ouais. Hein, je l'ai déjà rencontrée, franchement c'est une chouette fille. Je peux t'arranger un dos, hein, si tu veux. Mais j'ai tout ce qu'il faut, c'est gentil. Je te rappelle que j'ai chouchou dans ma vie. Ah ouais, non, mais des fois que tu voudrais justement voir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Bien sûr. Non, en fait, Toff n'est pas là, donc tu vois, il est parti à la machine à café, donc du coup tu en profites pour être un petit peu. Oui, c'est ça, mais non, pas du tout, voyons. Bon, nous avons qui avec nous qui voulait jouer pour la neige là? Comment s'appelle-t-il, Lob? Benjamin, salut Benji. Comment bonjour, ça va? Bonsoir, oui. Et toi aussi, bonsoir. Ah, désolé, je suis un peu décalé. C'est pas grave, t'inquiète pas, Benjamin. Bon, t'as 20 ans, t'appelles de Gilly, toi, et tu t'es inscrit pour, bah, pour la neige. T'as envie de partir à, au ski ou gratos, là, à Tignes? Ah ouais, j'ai bien envie. Ouais. Ah ouais, t'as bien envie, hein. Eh oui, t'aimerais bien. Eh ben écoute, ce sera peut-être le cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va déjà t'offrir, ça c'est prévu, c'est comme ça, c'est plié. On va t'offrir donc ton casque audio polaire de chez Lenco pour garder tes oreilles au chaud tout l'hiver. Tu vas voir, ça c'est pratique. Et en plus de ça, il faudra écouter Lucas. Ce sera vendredi entre, on va dire 11h30 et 12h30. Quelque part par là, il appellera aux alentours de midi pour un des sélectionnés qui repartira avec ses places pour Tignes pour la Fire Mix Party pendant une semaine. Tu seras à Tignes peut-être pour assister à la plus grosse teuf de tous les temps, la Fire Mix Party. 25 000 personnes qui seront là pour faire la fête avec Antoine Clamaran, entre autres. Voilà, Benji. Oui. Eh ben écoute, je croise les doigts pour toi. Ouais, merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux, Benjamin. À bientôt. Ouais, parfait. Salut à toi. Bye bye. Bon, bah, bonne journée à Julie. Bonne journée, Mickaël. Très bien. Julie, qu'on retrouve évidemment à 10h dans les infos avec Lucas. Bonne journée à Lob également. Bonne journée. Et à puis, Seb, le stagiaire, qui sera de retour demain aussi en pleine forme. Hein. Qui a quand même fait un beau score, une vanne. Une vanne. Non, tu lui as dit d'observer, attends. Et une vanne sur 3h30, c'est pas mal. Bah, c'est un début, hein. Ah oui, c'est un début. On verra demain, j'ai peur. On verra. Personnellement. Et bon, il faut pas avoir peur. J'ai peur qu'il me. Tu vois, qu'il me rentre dedans. Il chauffe à côté de Julie, qu'il te rentre dedans. Bah. Ouais. Mais, et surtout, et c'est le plus important, demain il y aura le retour du. De Frit Code Game. Et oui, attention. Mais oui, on a mis beaucoup d'argent dans ce jingle. Tout mon salaire. Exactement, oui. Allez, passez. Et autant dire beaucoup d'argent. Passez une bonne journée. Dans un instant, c'est Lucas le Self qui débarque jusqu'à 13h. Vous faites la prog à Ramassion avec Lucas. Ensuite il y aura Jasmine. Derrière c'est la tribu avec Evan, avec Noémie, également avec Monsieur Milan. Et puis également bien sûr à partir de 20h, libre antenne sur Fun Radio avec Vince qui sera là jusqu'à tard dans la nuit. Passez une excellente journée. Gros bisous, bon courage avec le vent et la pluie. On se retrouve demain dès 6h. Ciao à vous. Il vous manque déjà. Pas de panique, Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Salut, c'est Mickaël. Tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10, j'appelle chez vous pour vous rembourser vos factures. Mickaël, paye vos factures. Paye vos factures. Bonjour, qui paye les factures le matin? Fun Radio. Fun Radio. Je vous écoute tous les jours et vous êtes vraiment super. Et voilà, je vous adore et restez comme vous êtes et voilà. Si vous voulez que je vous appelle demain matin, envoyez facture avec l'objet et le montant de la facture au 6322. Et si vous êtes tiré au sort, je vous rembourse l'intégralité de votre facture. Facture au 6322, c'est 1 euro par message. Fun Radio. Le son d'Annie.